Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient ? Aujourd'hui, ça va être une émission un peu spéciale. Attends. Vas-y. Non, mais je sais pas, parce que c'est pas Qu'est-ce qui devient, on avait dit que c'était Culture IMS. Je connais pas. Bah si. Non, je connais pas. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Je ne veux même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. All is alright. Donc, avec moi aujourd'hui... Attends. C'est marrant. Attends, parce que c'est... On avait dit Culture IMS, enfin... Chris ? Ah, tu connais mon nom, moi je vois pas du tout qui tu es. Qu'est-ce qui devient ? Incroyable. Bonsoir, je suis Florent de Culture IMS et je suis ce soir avec Gus. Salut Gus, ça va ? Salut les gars, salut tout le monde. Et je suis aussi avec Flony, salut Flony. Salut l'équipe, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Rencontrer du coup Arthur et Clégo qui sont avec nous ce soir. Qui sont avec nous, émission spéciale avec deux auditeurs, c'est incroyable. Et c'est juste incroyable, donc je suis vraiment content d'être là. Enfin, c'est nous qui avons une émission avec plusieurs auditeurs. Et nous sommes ce soir aussi avec l'animateur de la caravane Cochenou du Tour de France, Thomas. Salut Thomas. Tour de France. Dire que je vais leur gratter 2000 balles. Bien entendu, on partage le podcast, donc on leur a donné un peu de visibilité, ça leur fera du bien. Je m'y fais pas. C'est à l'Eric Ramsey, j'y arrive pas. Mais on travaille avec des orthophonistes en fait, hein, pour ça. Hein. C'est vraiment. Non, mais en Belgique, on parle bien et on n'arrive pas à dire ce mot. C'est pas possible. Avec moi, j'ai Greg et Jazz. Aujourd'hui, je vais pas vous vanner, les gars, parce qu'on garde nos vannes pour les autres trubillons, là. Mais je vous retiens pour votre épisode tout seul, là. Vous m'avez bien vanné quelques fois, je vous retiens. Aujourd'hui, on fait semblant de rien, mais la semaine prochaine, gare à vous. Et oui, comme ils l'ont dit, on a un public aujourd'hui. On a Clégo et Arthur, les deux. Podcastophile de Twitter. On est super content de vous avoir. Salut les gars, comment allez-vous ? Salut, impeccable. C'est la première fois que j'assiste vraiment à un enregistrement en public. Oh là ! Et tu fais déjà des coups. Merci Arthur. Le premier galère. Je n'ai pas fait exprès. J'ai pas encore pris de guerre. Voilà, tout va bien. Ah, ça promet quand on voit. Une journée pour tout monter. Hein. Ça commence mal. Content d'assister un petit peu à l'enregistrement, un petit peu les coulisses de la crossover. Je sais pas si tu vois, c'est hyper professionnel. On a pas un côté webcam, c'est pour ça. Je sais pas si t'as choisi le bon crossover du coup pour venir voir les coulisses d'un podcast, mais ok. Heureusement que Culture IMS est là. Par rapport à Podren. On a Clégo aussi. Salut Clégo, comment vas-tu ? Ça va bien et merci de l'invitation. Bah, je la regrette déjà parce que tu as une casquette Culture IMS. Il y a un mug Culture IMS. Elle est sublime. J'ai vu sur leur site aux autres là. J'ai vu ça avec des chiffres en dessous. Par contre, c'est le prix qu'on te paye pour les porter. Par contre, Clégo, garde encore un peu de mystère pour le slip Culture IMS. Non, je crois pas parce que je crois que Clégo est parti sur un tanga. Je suis pas sûr, hein, mais. Et d'ailleurs, il y a deux caches-tétons qui ont été achetés par un anonyme. En Belgique, moi, je crois que c'est en Belgique. C'est en Belgique, voilà, il manque deux caches-tétons, donc si jamais. Non, c'est moi qui ai acheté des objets chez vous en anonyme. Il fallait que je fasse fuir des rats. Bon, aujourd'hui, on va parler de qui, les gars? Bah, je sais pas. Qui sont clavier? Fallait pas. Non, mais attends, fallait parler de quelqu'un. Oui, c'est con, on dit, on va parler de qui, alors que les gens qui vont cliquer sur l'épisode, ils le savent déjà. Donc, on va parler de Franck Dubosc. Ouah, la surprise gâchée! Et c'est Florent qui m'a proposé ça, enculé. Ouais. Franck Dubosc. On vient se taper une semaine de slip. Oui, exactement. D'ailleurs, Flo, je t'emmerde. Ouais, on t'emmerde. Non, mais c'est aussi, là, c'est une émission de la bonne humeur. Non, mais en fait, qu'est-ce qui devient? C'est là où on voit que vous êtes un podcast amateur, parce que moi, par exemple, j'en ai regardé aucun, tu vois. C'est dans ma tête, tu vois. C'est quelque chose que j'ai déjà enregistré. Enfin, c'est le professionnalisme, quoi. Avec le temps, oui, ça viendra, quoi. En fait, t'as regardé les jaquettes. C'est pour ça que quand... Oui, voilà. Et c'est pour ça que quand vous parlez de films, vous aimez Hawk, par exemple, parce que c'était dans vos souvenirs quand tu avais 5 ans. Exactement, exactement, exactement, je m'en rappelle. Quand on est grand. Ouais, mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien, j'aime bien, moi. C'est trop bien parce que c'est le Capitaine Crochet qui se bat avec Peter Pan. Allez. N'oubliez pas que bon, on va zanner aujourd'hui. N'oubliez pas que je peux déclencher le rire de Greg à chaque instant, ce qui peut provoquer la perte de vos sens pendant 12 minutes. Donc, et l'audition aussi. Et le, oui, ben, c'est indécent, c'est l'audition. C'est bien une vidéo de McFly Carito. Hein. Bon. Est-ce qu'il se jette par terre lui aussi quand il rigole? Tu vois, il a rigolé devant Macron. Il a pris 6 mois, pas 4. Bon. Est-ce que vous êtes prêts pour parler de Monsieur Dubosc? Non. Oui. Non, on est déjà prêts, mais il faut bien le faire, les gars, parce que sinon, on va zoner comme ça jusqu'à 23h et on est mal. Et si on faisait ça, en fait? Et si on faisait ça au lieu de parler de Franck Dubosc, vraiment? C'est... ça, c'est une bonne idée. Mais c'est pas nous qui avons choisi le sujet, quand même. Hein. Non, non, mais juste parce que j'ai vu des films, ben, on va en parler. Ah, c'est allez. On va en parler. Franck Dubosc, qui est né en 1963 à Petit Quevilly, c'était déjà le nom. Il a fait quelques petites apparitions. Qui l'a vu dans Highlander? Michel de Bourgogne. Oui, mais forcément, à force des rediffusions sur Série Club et M6, hein, donc, et puis les enfants de la télé aussi ont mais c'est magique. C'est magique. Le mec, il arrive tout maigrichon, là, il est censé être un super combattant. Je suis Michel de Bourgogne. Putain, mais qu'il a c'est les limites aussi de la coproduction un peu franco-canadienne, en coproduction. C'est, on sent un petit peu le côté, j'ai envie d'exister, il faut bien manger un petit peu dans la carrière d'acteur, donc, je fais des participations, voilà, dans une série plutôt cotée quand même dans les années 90, hein, merci M6, mais bah c'est un peu comme ta participation ici, quoi. Oh là là. D'ailleurs, dis-moi. Chris, on n'a pas accueilli nos invités. Et là, et je vais faire une petite intro pour vraiment accueillir nos invités pour présenter le sujet. Si ça te gêne pas. Écoute, Jazz, tu as un micro. Eh ben, c'est parti. Bon ben, bonsoir à tous. Ce soir, c'est une émission un peu particulière que l'on enregistre. En effet, nous recevons un podcast comme invité. Bon, déjà, bonsoir à eux. Content de vous recevoir. La politesse à mon tac, c'est la politique de qu'est-ce qui devient. Et avant de faire leur portrait, nous allons un peu parler du sujet de cette émission. Alors ce soir, nous ne parlerons pas du CIF de Marlène Schiappa, ni de la publication du roman de Gérald Darmanin, Moi le consentement, j'en ai rien à branler. Nous ne parlerons pas non plus de l'adaptation ciné des Schtroumpfs avec Éric Zemmour et Jean-Marie Bigard, réalisé par Yann Moix, écrit par Laurent Baffy, avec une BO signée par Francis Lalanne. Je veux voir ce film. Non, ce soir, nous allons parler d'un ancien gilet jaune qui s'est barré lorsqu'il a su que Christine Boutin a joué la Schtroumpfette. La consanguinité, elle connaît. Je parle bien sûr de l'inégalable Franck Dubosc. On l'embrasse. Il peut être plagiste, footballeur, danseur de disco, jouer avec Kev Adams et tout de même avoir du succès. Cependant, quand il veut faire son ciao pantin, comme dans Cinéman ou toute ressemblance, c'est le but d'assurer. En même temps, quand t'es à Yann Moix ou Philippe Denisot à la Real, tu ne peux pas t'attendre à des miracles. Mais va-t-on parler de Francky avec son slip de bain et sa beauf attitude, ou du talent qu'Arthur de préparer une chronique de 7 chapitres comportant 3 parties, 4 sous-parties, 2 sous-parties et une conclusion qui comprendra 3 parties, 2 sous-parties et une sous-sous-sous-sous-partie? Réponse dans quelques minutes. Ce soir donc, nous recevons un podcast issu d'un gangbang avec Bozo le clown et Deadpool de Skyrock. Oh, le mélange. Je parle bien évidemment de culturisme. Enfin non, culturisme. Et oui, les pauvres ne se sont jamais remis d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, ou alors ils ont le même humour que McFly et Carlito en train de, enfin dans toutes leurs émissions. Bref, c'est une joyeuse troupe ayant du goût. La preuve, ils ont choisi le sujet de Sir Franck Dubosc. En plus, c'est son rôle. La preuve, ils ont choisi le sujet de Sir Franck Dubosc. À ce rythme-là, au prochain crossover, on aura le droit à un sujet sur le trou de balle d'Alf l'extraterrestre. Quand j'ai su que vous veniez, j'ai fait mes devoirs et j'ai écouté vos émissions. De Hook à Mortal Kombat, en passant par Expandables et Flonny. D'ailleurs, grande émission, hein. Surtout le petit rap à la fin, façon Vita et Slimane, une belle émission. T'as mouillé ? Au taquet. Ah, je vous cache pas que je me suis quand même fait peur quand vous avez commencé à déteindre sur moi. En effet, en réunion, lorsque mon équipe m'a dit qu'il y avait une grosse erreur sur mon bulletin de salaire, j'ai dit « Allez !» Juste avec cette intro, je pense qu'on aura l'avis favorable des juges. Sinon, je vais pleurer en regardant toutes les vidéos de McFly et Carlito. Attention, vous pouvez finir sourd et aveugle après. Et bien évidemment, une chose importante à dire. Le PSG n'a toujours pas gagné les Ligues des Champions. Oui. Allez, voilà. Allez. Bon, voilà. C'est bien fini, ça. Bravo, bravo, bravo, Jazz. Par contre, on en reparle de Slimane et Vita ou pas du tout, là? Ouais. Ouais. Franchement, franchement, c'est pas gentil pour Slimane et Vita. Bah, de ouf. C'est des artistes, ouais, quand même. Ils ont fond du trou parce qu'ils ont pas eu la chanson de l'année. Enfin, c'est bon, quoi. Merde. Non, je vais pas me mettre dans la communauté Slimane et Vita, Jazz. Ouais, bah, franchement, t'aurais pas dû la mettre, celle-là. C'est une grosse partie de nos fans, hein, tu sais bien. Putain. On les respecte, c'est les artistes. C'est le tuning, moi. Ou la machina. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, Dubosc, il a fait de l'humour, il a fait des spectacles un peu beaufs quand même, hein. On se rappellera de 102 kilos. Bah, voilà, ouais. Franck Dubosc. On va pas parler de ses spectacles, mais on va directement rentrer dans le ciné, là où il est arrivé avec Camping en 2006 avec Gérard Lanvin, Mathilde Seigné, Claude Brasseur, Mylène Donjon, Antoine Delury et aussi Frédéric Bell. C'est un film qui a été élu au Energy Ciné Award meilleur film qui fait rire. Quand t'as énergie devant, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Déjà, t'as énergie. C'est une cérémonie éphémère qui a duré, je crois, 3 éditions à l'époque sur Energy 12, chaîne naissante de la TNT, vers 2005. Et c'était chiant. Et puis la plupart du temps, c'était les invités ne sont pas là. Et les grosses comédies populaires étaient évidemment récompensées, comme Brise de Nice, Camping, etc., etc. Et puis bon, bah c'était soporifique. Hein. Il a dû chercher son prix en slip, Franck Dubosc. Ah non, il est pas venu. J'ai aucun souvenir que bon, il y avait une récompense. Il y avait des films populaires et puis des participations assez souvent de Elise Moon ou d'Arthur qui faisaient acte de présence. Et puis c'était gênant. D'accord. Et en fait, c'était marqué en dessous tristesse l'émission, vraiment. Ah non, non. Oh, putain. Une cérémonie de tristesse, de longueur, de gênance, on est au top, hein, et personne s'en souvient, et c'est normal. Ben, mon ami Flo. Oui. Fais-nous un peu le pitch de Camping. Eh ben, Camping, c'est Gérard Lanvin qui est un anti pour nous dire et qui récupère sa fille pour partir en vacances à Marbella. Sauf que la voiture qu'il a achetée, c'est une voiture de James Bond, donc elle lâche. La voiture de James Bond. Ouais, et ils vont se retrouver au camping. Et là, c'est le choc des cultures. C'est le choc des cultures, j'ai envie de vous dire. Et puis ben voilà quoi. Pas n'importe quel camping, quand même. Ah non, pas n'importe quel camping, le camping des Flots Bleus. Exactement. D'ailleurs, ouais. Aurais-tu une anecdote sur le camping des Flots Bleus, Flonny? Bah alors, les gars, accrochez-vous, hein, parce que dans mes nombreux métiers que j'ai fait avant d'être CPE, j'ai été directeur de colo, et du coup, j'étais directeur d'une colo au camping des Flots Bleus à Arcachon. Et sachez bien une chose, c'est que le camping des Flots Bleus n'a strictement rien à voir avec le film. Parce que tout simplement. Non mais c'est vrai. En fait, si vous voulez. Il y a pas du boss dedans. En fait, il y a une statue maintenant. Alors, non, c'est pas une statue, mais pour de vrai, les gars, c'est tellement ringard. Mais je vous jure, c'est vrai. Genre, vous savez, il y a les trucs de carton là, cinéma là, à taille réelle. Et genre, les gens s'arrêtent sur le bord de la route pour prendre des photos avec ce truc en carton. T'sais. Mais c'est d'une bouffitude. Mais je vous jure. C'est un espèce de truc souvenir en fait qu'on retrouve. Non, mais c'est tellement ridicule. Mais les gens, en fait, si vous voulez, le truc, c'est qu'il y a une rue à cet endroit-là. Et en fait, il y a des kilomètres de queue juste parce que les gens s'arrêtent en plein plein milieu de la route, prendre la photo avec Franck Dubosc en carton. Et après, il se barre. Il se passe quand même pour ralentir tout le trafic. Non, mais c'est une catastrophe. Tout le monde va aller à la dune du Pilat qui est derrière, mais il y a un connard qui dit, je vais prendre une photo avec Franck Dubosc en carton. Enfin, c'est complètement. En parlant de kilomètres de queue, Guillaume, parlons un peu du slip de Franck Dubosc. C'était tellement la pêche. Tellement la pêche. Et la meuf de Guillaume derrière qui fait oui. Le problème, c'est surtout qu'on est toujours avec des gros plans dessus où il met bien la queue en avant comme ça. Là. Ça, c'est bien gênant avec les bourses apparentes. C'est gênant. Oh, on est sur poutre apparente, hein. Clairement. On est sur, on est sur poutre apparente. Et c'est un renouvelage qui va suivre très longtemps. Et parce que dans tous les autres films qu'on va traiter, je pense qu'on la voit au moins en slip aussi. Ah, il aime bien, terrible. Je crois. C'est dans son contrat, tu vois, ce Rock qui dit, moi, il faut qu'on me voit torse nu, ou Dubosc, il faut qu'on voit mon calme. Il faut qu'on voit mon slip. C'est l'un des deux, disons que l'autre, hein, devinez lequel. Plus poilu que l'autre, en tout cas. Chacun clip le muscle dont tu es plus fier. Oui, c'est clair. Jazz, est-ce que t'as aimé ce film? Bah écoute, dans la sélection que nos copains de culturisme a fait, on c'est peut pas dire c'est dire, le on peut dire c'est le comment dire c'est le haut du panier. Non, ouais, bah que camping, oui, c'était plutôt amusant. Ouais. C'est pas fou, mais c'est amusant. C'est le haut du panier de la liste et de sa filmographie d'ailleurs. Bien filmé, mais ça restait des films. Mais après, pour rebondir sur ça, après, c'est vrai que Camping, c'est pas le film d'humour par définition, mais après, je pense que tout le monde l'a déjà vu, tout le monde l'a plus ou moins apprécié avec sa limite du fait d'apprécier, hein. Enfin, je veux dire, apprécier, ça peut être juste l'image est cool, hein. Mais, ou la voiture. Oui, et la ça, voiture même des... ça, non. Mais même ça, non, tu vois. Mais dans le sens, je veux dire, on a tous apprécié plus ou moins Camping, hein, à un degré différent. Et, je pense que c'est des grands Mendes. La photo est super. La photo est incroyable. Non, mais en vrai, pour de vrai, il y a tout. Enfin, nous, par exemple, je sais que nous, à Culturims, je pense que ça nous a parlé un peu parce qu'il y a quand même le couple des Tourangeaux, hein, qui représente un peu Saint-Pierre des Corps. Mais oui, exact. Le 37. Et oui, le 37, qui représente notre département fièrement. Et c'est juste que vous, il n'y a pas de Belges, il n'y a pas de tout ça, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu aigris. Quand ils sont Belges, c'est pas. Voilà. Mais moi. J'avais aimé à l'époque, pour une raison pas vraiment aimée, mais en fait, j'ai été quelques fois à des campings comme pas mal de monde, et j'ai vraiment reconnu des gens, quoi. Le gros beauf, le rondeur, ceci, cela. Mais c'est des clichés, mais que tu avais dans tous les campings, et clairement, c'était un peu comme là, bah, ces gens-là, ils buvaient tous des verres ensemble, et ils étaient obligés, en fait. Ils se voyaient pendant 2 mois, et ils étaient obligés d'être amis pendant 2 mois, et puis ils ne se parlaient plus pendant 10 mois, et puis quand ils se revoyaient, c'est comme si, enfin, vraiment, le gars, je crois qu'il a bien chopé ce truc-là, l'ambiance des campings. Par contre, le film, comme j'ai dit à Jazz, ça reste un peu téléfilm au niveau de l'histoire, quoi. Il y avait moyen de mieux faire, quoi. L'histoire, enfin, moi, je trouve que ce film-là, il fait le taf. Vraiment, c'est le minimum syndical, hein, on va pas se mentir, mais ça fait le taf. Effectivement, l'histoire, on est sur une histoire de Fabien Antoniente, hein, donc enfin je pense que tout le monde voit de je crois qu'il y a, hein. Y a Dubosc aussi, le mec se fait lâcher, quoi. Oui, il y a aussi Dubosc, mais voilà, parce qu'il le dit dans une interview que c'est l'idée d'un film qu'il a depuis des années, depuis qu'il a commencé sa carrière. Cette idée, c'est de faire il a cette idée de faire cette histoire au sein de d'un camping, comme a priori on dit, il a été jusqu'à 35 ans dans des campings tous les ans, quoi. Mais c'est ça, et il allait au camping avec ses parents, et il mettait la tente, et il buvait du Ricard. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un projet de longue date qu'il avait et qui s'est enfin exaucé. Et par chance, ils en ont fait au moins 3. Quelle chance! Bientôt 4. Ça, oula, super! Ah, il y a un 4. C'est pour de vrai, c'est pour de vrai. Oui, a priori, il y a un 4. Oui, a priori, il y aurait un 4. Ouais, ouais. Ah, ouais, mais là. Mais il vaut bientôt dépasser Camping Paradis, quoi. Bah, il faut que Fabien Antoniente paye le loyer, les gars. Enfin, à un moment donné, de toute façon, les gars, c'est soit ça, soit All Inclusive 2. Donc, sortir en cinéma et directement proposer sur France 3. Et bon, les conditions ne sont pas optimales. Ça dure un moment, on ralentit la réalisation de Camping 4. dans son ensemble. Enfin, entre nous, si c'est pour le mettre sur France 3, bof, quoi. Enfin, bah, écoute, le, c'est quand même nos impôts, les mecs. Hein. C'est quand même nos impôts. Il y a bien HBO Max. Là, là, pour le coup, c'était France 3 qui avait retapé 100% bio. Ça va en haut du rêve. Pareil, même sur HBO Max, je suis pas chaud pour Camping 4. Où c'est ça, la vidéo? Et le prochain film qui va être tourné au bassin d'Arcachon, donc c'est avec quatre mérades, oui. Et ça va être un film de requin. Oui, et si le requin pouvait bouffer Mathilde Seigné, je serais content. Déjà, arrêtez les gars. Arrêtez les gars, vous avez tous mis son cul. Vous avez tous mis le cul de Mathilde Seigné en replay dans Camping. Arrêtez. Ah, non. Ah, si, mais évidemment. Pas du tout. Ah bah alors on n'est pas aussi dalleux que toi, visiblement. Alors je vais refaire sa réplique. Bye à CD. Elle se claque le cul. Elle s'en va, digne, comme un homard. Parce voilà, que c'est un restaurant. Demi-mode. Il en parlait à une demi-molle. ouais, il se touche. Va, sors de la caméra, s'il te plaît. Guillaume, t'as aimé le film, toi? Moi, personnellement, du coup, je l'avais vu il y a très très longtemps, et le fait de retrouver ça, j'ai trouvé, ouais, forcément, ça avait un peu mal vieilli. Mais ça va, tu vois, le scénario est crédible, entre guillemets. Et ouais, c'est plutôt agréable, enfin agréable à regarder, ça passe quoi. C'est un truc qu'on peut se regarder un soir ou pour se divertir vite fait. On débranche le cerveau, on regarde, ça fait, il y a quelques vannes qui font rire, ça passe, tu vois. Ouais, mais à part ça, je suis pas très convaincu de Franck Dubosc. C'est un acteur que j'aime pas, donc de base, j'étais pas très. Franck Dubosc, si tu nous écoutes, on t'emmerde. On va te faire enculer. Ça tombe bien, on fait une émission dessus. Il a choisi le bon programme. Agus, il faut que tu te tapes du Dubosc. Je fais putain de ta mère. Et toi, Greg, t'as aimé, toi? Bah, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est surtout, comme tu l'as dit, ce processus d'identification. C'est-à-dire qu'on s'identifie, on connaît, on est tous allés dans un camping. Donc, on a la représentation à chaque fois des gens dans le camping. Donc, c'est ça qui est assez drôle, finalement, parce qu'on pourrait nous-mêmes, nous-mêmes, faire partie des gens quoi qui sont dans le film. Maintenant, je suis pas fan non plus de Dubosc, donc c'est pas, j'ai rigolé, mais voilà, le fameux on attend pas Patrick, voilà quoi. Mais c'est la phrase culte, c'est pas non plus sa manière, c'est pas, c'est pas un grand film quoi. Enfin moi, je revois pas avec grand plaisir, hein, attention. Vas-y Florent, toi tu m'as dit que t'avais aimé ce film. Bah ouais, bah et d'ailleurs c'est, alors je vais peut-être un peu spoiler, mais c'est le seul de la sélection que alors j'ai pas regardé, j'étais pas, ah c'est super, j'ai pas ri machin, j'étais peut-être pas dans un bon jour parce que j'ai pas trouvé ça drôle, mais comme je disais, voilà, pour moi c'est le minimum. C'est vrai que les personnages sont un peu caricaturaux, mais c'est des personnages que forcément tu rencontres en camping, et du coup voilà, je trouve que ça fait taf, même si c'est un film d'Otoniente, hein, pour une fois. Ouais, mais c'est vrai. Écoute, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, mais après pour de et vrai, puis les personnages malgré tout sont quand même un peu attachants, quoi. Ils sont crédibles. Attachants, je sais pas, mais ils sont crédibles parce que justement, on regarde justement quand on voit ce film, on s'identifie peut-être à eux, et puis on se dit, on se projette bien même dans le film en tant que spectateur. Bah oui, c'est ça. Vu qu'on a déjà été dans un camping, on se dit bah, on se verrait bien parmi eux, à boire une bière, à être leur voisin, bien sûr, ouais. Maintenant, attachant, je sais pas trop parce que, enfin, moi, j'avoue que j'ai pas trop aimé le film. J'ai rigolé la première fois, mais la deuxième fois, enfin, voilà, quoi. Mais, ouais, tu les as regardés à la suite en même temps. Pourquoi tu l'as remis une deuxième fois? S'ils croyaient que c'était Camping 2. En fait, quand je rembobine et que je remets au début, c'est un nouveau film. Ben moi, je vais dire que tes voisins, ils sont contents quand tu vois un film et que tu ne ris pas. Ah ouais, de ouf. T'imagines les voisins, pourvu qu'ils regardent la ligne verte ce soir. Allez, bon, ils seraient capables de se marrer. C'est ça le truc que tu disais à la fin. C'est le truc le plus triste, ils se marrent. Bah d'ailleurs, il déménage, Greg, on le voit derrière lui, et il y a plus de DVD dans ouais, ses armoires. Là, il déménage. Je crois que les voisins sont contents. Ouais, les voisins, ils font la fête. Ah oui, carrément. Ah, bien sûr. Bien sûr, surtout quand je regarde une comédie. Hein. C'est les voisins qui lui ont acheté la maison. Ils ont dit non, mais t'inquiète. casse-toi, vraiment. Vaut du lourd, cette loi. Faut départ. Tout il reste quand même une petite pile de DVD derrière, hein, pour regarder quand même les derniers films au cas où. En tout cas, pour déménager, t'inquiète pas, on n'est pas dispo. Non, mais je ne comptais pas te demander, en fait. Hein. Ça va. Ouais, bah, je crois qu'on a peu fait le tour de Camping. Putain, ça va être rapide, du coup, l'émission. Non, parce qu'il va y avoir... Genre, on va faire genre 5 minutes par film, ça va être sympa. Non, c'est justement... C'est bien. C'est hein. Moi, ça m'arrange, parce qu'à 21h30, faut que je me barre, donc... Ta gueule. Je peux dire un avis sur Camping, hein, histoire ah, de... Ah, écoute, le fait que... Oui, bah oui, écoute, tu sais quoi? T'es là, tu le donnes, vas-y. Bah, c'est une parfaite illustration des documentaires striptease, hein, tout simplement. Hein. On a tous vu un documentaire de la collection striptease belge puis français sur le camping, le samedi soir en discothèque ou ce genre de série. Après, c'est une façon d'aborder la vie de tous les jours, les gens, etc., avec beaucoup de sincérité. C'est pas forcément un truc hilarant où il y a chaque vanne et gag à la seconde près, hein. C'est pas de la comédie un peu américaine ou anglaise, hein. Il y a pas un côté pince sans rire ou, c'est pas déplaisant. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Il y avait le côté bande originale du film avec la Dolce Vita de Ryan Paris en Italo Disco. Et puis plus les incontournables des tubes du camping. Voilà, c'est ça, Boris, Soirée Disco, ou Miss Camping, il y avait également Living in Video, Gilbert Montagnier, enfin, de mémoire, hein. Après, il y a eu l'annonce des tongs, mais ça, c'était particulier. Mais après, c'est un film qu'on prenait plaisir à regarder, une séance au cinéma l'été, voilà, on cherchait pas non plus midi à 14h un truc alambiqué où la complexité est de mise. Après, on s'inscrit un peu dans une tradition populaire qu'on peut retrouver également des films en Italie semblables, hein, ou Portugal aussi. Enfin, on peut... chaque pays a un peu sa dose d'humour, sa dose de sensibilité par rapport à ça. Mais on peut très bien trouver des films similaires par rapport au centre de vacances, au camp de vacances. Nos jours heureux, d'ailleurs, qui est un très bon film des duos Toredano et Nakache sur... Si ce n'est le meilleur. Et qui est très, très crédible. Le meilleur, un peu représentation, en fait, de la colonie de vacances, parce que... Oui, tout à fait. Ouais. C'est l'un des plus brillants, et on prend vraiment plaisir à chaque visionnage, à regarder à n'importe quel moment de l'année. Bah, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est un peu les Bronzés qui ont lancé cette tendance. Hein. Les Bronzés 1, à leur club là c'est quand même un des premiers avec sa collection de films inoubliables, hein, toujours en Saint-Tropez ou limitrophe. Ouais. Bah, écoute Arthur, n'hésite pas à reparler avec toute cette bonne humeur des prochains films. Clégo, t'as pensé quoi de ce film, Clégo? Alors je l'ai pas revu là pour le podcast, mais Ah bah ne dis rien alors. Bon. Et mais vraiment, on comprend pourquoi il a la casquette Culturims, bien en fait. C'est... Comment t'oses parler comme ça à Clégo, sérieux? Si tu connais la vanne, si tu écoutes l'émission, on l'a fait. Ouais, t'inquiète pas, je suis pas surpris. Non, je l'ai pas revu, mais j'avais des souvenirs forcément de l'avoir vu avant. Et pour avoir été en camping des premières années de ma vie avec les parents, clairement, les clichés sont tous là. Il n'y a pas de problème, c'est fidèle. Bah, rien que pour ça, on peut dire que le film est réussi. Oui, clairement. Le film, c'est réussi. Bah oui, c'est clairement ce qu'il veut montrer à la base, donc c'est grave réussi. Ouais. Malheureusement, c'est ce qui a donné aussi la naissance de la série Camping Paradis. Aïe. Aïe. Oui, Dommage collatéral. Allez, et si on n'en parlait pas ça. Et si on parlait plutôt de Laurent Rounac? Qu'est-ce que vous en pensez, mec? Qu'est-ce qu'on se fait chier avec du boss, putain? Ah bah, l'émission, clairement, va faire 2 minutes 30. Ceci étant dit, on a tous rigolé dans qui est le meilleur fiancé, là où le... Mais sinon, en 2008, Fabien Teniente retrouve Dubosc pour un chef-d'œuvre, hein, on va dire, hein, c'est Disco, avec Emmanuel Béart, Gérard Depardieu, Samuel Le Bihan, Abbès Aswamy, Annie Cordy, Isabelle Nanty et François-Xavier de Maison. J'ai pas beaucoup envie de parler de ce film. Mais moi, je pense qu'on se cuise. Personne, je te rassure. Mais putain, je peux en parler. On a fait ce podcast parce qu'on s'est dit il y a tellement de films dont on a envie de parler et tout. Là on est à l'avant-dernière émission de l'année et on parle de Disco. Et bah tu vois, je suis content, tu vois. Mais tu nous as pourri. C'est un peu notre marque de fabrique. Hein. C'est un peu notre marque de fabrique, les mecs. Arthur, parle-nous un peu de Monsieur Travolta dans Disco en écrivant le pitch du film. Waouh, la comparaison est au top. Voilà. Bah, c'est son nom dans le film, hein, c'est Didier Travolta. Quoi. Oui, non, alors, c'est son c'est surnom, ça, il s'appelle le Didier en fait. Grain d'Orge. Ah oui, c'est ça. Du Havre. Non. Oui, comment expliquer ce film? Tu prends une bonne comédie anglaise du style The Full Monty. Tu essayes un petit peu de redorer le blason des films musicaux des années 80. Tu malaxes le tout et ça fait un ensemble assez indigeste. Je l'ai revu il y a une semaine pour comme ça par envie pour toute la thématique. Ouais, pourquoi par envie Arthur? On est obligé. T'étais déjà invité sur, à l'époque. La musique de club, la musique de danse, etc. Boogie Nights aussi en faisait partie. Bah là, la pièce de samedi soir. Mais disco. Écoute, pourquoi pas, j'avais aucun souvenir de ce film, je l'ai vu ni au cinéma ni à la télé, donc là je l'ai vu dans un truc de VOD, j'ai dit hop, ah bah, c'est parti, et puis bah j'ai ressenti quand même une prestation assez touchante quand même d'Annie Cordy, c'est peut-être celle qui sort du lot, le film un peu de sa torpeur, elle arrive attends, Arthur, quand même... Parce que t'as payé pour ça que... Hein? T'as payé pour ça? Non, c'est le moment où j'ai vu plein de films en retard et j'ai vu un petit disco parce que bah, pourquoi pas, je restais dans la continuité des films de musique, donc faut pas te faire de mal comme ça hein. Je l'avais pas vu ni au cinéma ni à la télé, donc là c'était juste pour un rappel personnel culturel et de toute façon j'avais pas envie de le revoir quoi, parce que même comment là où Camping, tu pouvais encore capitaliser l'attention sur la musique et garder un esprit festif avec la BO, qui s'est plutôt bien vendue par ailleurs. Là, c'est difficile de vendre une BO avec des thèmes assez rabâchés du disco. On n'est pas vraiment dans la disco underground de Dimitri from Paris ou de Marc Serron. On est dans le côté ultra populaire de Bonnet, de Patrick Juvet, etc. Mais même là... ça colle pas, j'ai l'impression que à chaque fois le film se plante lamentablement, il y a aucune sincérité, il y a tout qui se malaxe, je suis dans ce film Samuel Le Bihan, je suis gêné pour lui en fait. Oui, c'est l'un des hyper mal à l'aise du film. Autant animatif, je peux carrière, défendre, autant c'est même le bilan déjà dans 3-0. Non, mais le mec, il a fait le pacte des loups, tu vois. Rien que pour ça, respect. Voilà, il a démarré quand même avec un bon film de genre. Après, il a fait du 3-0. Alors, on est passé un peu du coq à l'âne, mais c'est peut-être normal hein, de détoffer sa palette en passant de la comédie, du polar ou des films beaucoup plus dramatiques, minimalistes. Mais là, bon, bah. J'ai pas retenu grand chose à part la bande originale et de toute façon on trouvera mieux du côté en Angleterre, du côté des États-Unis, n'importe quelle histoire, même par le biais d'un biopic avec Harvey Mink, il y aura des moments de pure disco, de pure folie et tu trouveras un truc beaucoup plus alléchant, au moins regarder dans cet esprit disco quoi, parce que le disco est un peu usurpé hein, quand même. Hein. Emmanuel Béard. Et puis ouais. en même temps, on en profite pour lancer un avis de recherche pour l'acteur de Nonneuil. C'est vrai qu'on l'a toujours pas vu. Donc si jamais vous le connaissez, on aimerait beaucoup le revoir. Ah, je crois que Lego va intervenir. Ouais, il y a quand même le meilleur rôle de Francis Lalanne. C'est arrivé pour dire ah, oh, finalement, il a besoin de moi, je m'en vais. Vous pouvez pas faire mieux. C'est un résumé de sa carrière, hein. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Larmoyant et puis. Bon, honnêtement, disco, si vous voulez vous intéresser un peu des phénomènes disco-funk, allez acheter des compiles, allez voir d'autres films, Boogie Night en premier lieu, allez vous cultiver sur différents podcasts qui traitent de l'histoire du disco, même de manière un peu détournée avec The Full Monty et la fameuse séquence avec Donna Summer. Mais c'est pas de vous cultiver dans cet épisode. Voilà, cultiver, mais pas en regardant disco et la BO, ouais, bah vous trouvez mieux hein, dans le genre. Hein. Après, moi, tu vois, si je peux me permettre, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est vrai, typiquement le film où je le regarde avec un second degré puissance 1000, tu vois. C'est vrai que et je me débranche et franchement, les mecs qui se mettent à danser dans la ville du Havre avec des pantalons en padef, mais mec, tu te mets ça en second degré. Moi, j'avoue, ça me fait rire. Moi, le mec, ils sont sur le chantier du Havre et ils se mettent à danser. C'est tellement con. Côté très village people. Que moi, ça me fait, moi, franchement, j'avoue avoir ri. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose quand même. Et je trouve que le personnage de Depardieu et de Nanty, ce couple, est très très drôle. Enfin, ils se foutent leur temps à se. Parce qu'il y a Gérard Depardieu dans le film. Bah oui, qui fait le patron de la boîte. Transparent. Le gars n'est pas présent, vraiment. payait peut-être ses impôts, je sais pas. Non, mais c'était à l'époque. Non, après, dans une période de creux. Fait rire, c'est le Buffalo Grill, quoi. Je veux dire, à chaque fois, il amène, lui, il veut être cool, il amène une fille de la haute société manger au Buffalo Grill parce que c'est classe pour lui. Et ça, on connaît aussi tous un mec comme ça, quoi. Ah oui. C'est pas cool de parler de Florent comme ça, c'est vraiment pas. Des gars semblables, j'en ai connu à l'appel, hein. Pas besoin de faire. Enfin, je suis désolé. Pour avoir ce type de réaction. Hein. Enfin, c'est le seul restaurant où tu peux repartir avec un chapeau de cow-boy. Hein. Donc à partir de là, moi je dis oui. Hein. Moi je dis manco. Et les gars, et on n'en parle pas assez, mais il y a quand même la salade. Ouais, la salade de maïs, qu'est-ce que vous en faites? Vous crachez dessus? Ah bah non, je crois pas, non. Et le petit pain non, carré qui arrive chaud. Le petit pain chaud, vous n'êtes pas content de le manger, le petit pain chaud? Eh bah si, voilà. Bénéfice du doute pour quelques scènes dans Disco quand même, mais c'est vrai que j'étais pas chaud pour le voir, j'étais curieux, mais pas enthousiaste en tout cas. Bah, n'hésite pas à me recouper pour redire des choses comme ça. Non, pardon. En fait, si je l'ai dit tout haut, c'est pour ne pas avoir à couper le moment où tu m'as coupé. Voilà, le montage sera plus facile. Non. Je rigole. Désolé. Arthur, n'hésite pas à intervenir. Déjà, quand tu parles, Culturim, c'était. Donc n'hésite pas à. Parce que contrairement à vous, on apprend des choses avec lui. Oui, c'est clair. Bah écoute, c'est pour ça. Bah non, en fait, tout simplement, ça s'appelle la politesse. Après, vous ne devez pas connaître, mais bon. Je voulais pas créer de malaise, hein. Mais c'est l'émission pour, alors vas-y. Hein. C'est l'émission faite pour. Personne n'a vu Disco, en fait, dans l'assistance. Oui, bien sûr, mais je crois que Monsieur Guillaume veut en parler. Moi, j'ai juste un truc à dire. Alors, Neneuil, là, le stacteur Achille. Écoutez-moi bien. Non seulement ces interventions sont, c'est tellement pas dans le timing, c'est pas dans le ton, il y a tout qui est à côté. Et en plus, il danse comme un pied dans les chorés. C'est alors le Bihan et Dubosc, ça va, tu vois. Le Bihan. C'est pas des grands danseurs. Mais par contre, l'autre, il est tout le temps en retard. Il fait que de regarder à côté pour savoir ce qu'il doit faire. Et ça, ils l'ont gardé au montage. C'est énorme. Juste ça, c'est trop drôle à regarder. Le gars, il est perdu sur la piste. Je dois faire quoi? Ouais, c'est ça. Non, mais après, en vrai, depuis tout à l'heure, on débat sur le truc, etc. Mais à aucun moment, on a parlé de la piètre performance niveau danse. Des acteurs, les mecs, franchement, qui sont censés être des super danseurs. Non, mais c'est ça, les mecs, on est quand même les stars des années bisextiles, on est des stars, etc. Et les mecs, ils savent pas aligner un pas. Enfin, on a gagné des trophées. Ah bah ouais, putain, les autres, c'était chaud quand même. C'était des trapèges. Thomas aurait pu jouer dedans. Il aurait été trois fois meilleur que les autres. Ah, ok. Merci Gus. Je pense que merci. C'est un bon argument. On ferait une vidéo de danse de Thomas. Et forcément, la danse était l'élément central. Et oui, quand tu compares ça avec le film avec Dubosc et le bilan, c'est incomparable. C'est complètement débile. C'est comme si les mecs ils faisaient un film sur Hamilton ou Schumacher et les mecs ils font ça sur un kart. Super, tu vois. On se fait chier, tu vois. On s'emmerde. On fait la vitesse. Je m'attendais à une meilleure métaphore, tu vois. J'étais extrêmement déçu de la chute. Ouais, mais il s'arrêtait en 6e. Mais même Formule 3000, tu peux faire une série B honnête, hein. Mais là. Ouais, mais karting. Enfin, karting électrique en plus. Hein. Tu sais, maintenant, on est dans les trucs. Pas de bruit, pas de conso. Ah bah, c'est bio, quoi. Ah bah, c'est bio. Hein. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Jason, d'un très spécial cinéma. Vas-y, parle-nous de Disco. C'est de la merde. C'est con. Merci. Elle a vite très tranquille. Bravo. Ouais, mais écoute, non, t'as tout dit là. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est Fabien Antonente, c'est tout. Clairement. Je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose. Je crois que c'est le plus gros problème de la carrière de Dubosc. C'est ça, c'est Fabien Antonente, quoi. Non, mais le truc, c'est que, on va pas se le cacher, c'est un sketch de pour toi public, pareil que Camping. Et Fabien Antonente est arrivé en disant « Hey, si je réalisais un film sur le disco !» En plus, Dubosc va écrire le scénario, pas comme ça, caraisé. Et donc, du coup, c'est parti. Ils font un film sur le disco sans savoir danser. Alors, hommage à Annie Cordy, hein, bien sûr, qui est, tu as raison, la seule bonne actrice. Bonne, qui a assez bien joué. Ah, oui, d'accord. Voilà, dès que t'as une belle elle est capable film, de tout, hein, dans n'importe quelle situation, elle s'en sort. Donc. Ah bah ça, je ne sais pas. Mais bon, si tu... Bah, elle s'en sort dans les films, les téléfilms, les documentaires, et elle joue très bien de toute façon. Mais c'est vrai. Pareil aux autres. Bah, Mimi Mathy aussi, c'est bien joué. Mais. Mimi Mathy qui danse au disco, je. Non, mais le point Mimi Mathy revient à chaque épisode. C'est le mal perdu qui est parti là. Non mais voilà, en tout cas, c'est pas terrible, franchement. Samuel Billon, moi, il me fait de la peine, quoi. Parce qu'il essaye. Ça se voit qu'il essaye, mais qu'il se dit, ça se voit sur son visage. Je fais quoi là, moi? Qu'est-ce que je fous dans cette merde? Putain, j'ai joué avec Marc Dacasco, c'est là, je joue avec Fond du Bosque. Mauvais timing, mauvais choix de carrière, c'est ça. Mauvais choix. Ouais, puis bon, c'est pas terrible. Franchement, ça fait partie des mauvais films de Dubosc qui ont marché, parce que je crois qu'il a bien marché, il a fait 3 millions d'entrées, il me semble. Mais c'est ça, en fait, le problème. Il était pas loin des 3-4 millions, ouais. Ouais, non, mais c'est ça le problème. Au niveau de l'entrée, il a quand même un peu souffert parce qu'il est sorti la même année que Bienvenue chez les Ch'tis, si mes souvenirs sont bons. Oui. Bah, il avait pris la première place des Ch'tis à un moment. Donc, quand il est sorti, il a pris la place des Ch'tis et puis il est revenu. La première semaine, il aura piqué la place. Et après, il s'est complètement... Parce qu'il n'y a plus eu l'effet locomotive. Non, mais attends, un film comme ça, 3 millions d'entrées, c'est bien. Oui, mais Disco... C'est trop. Oui, c'est trop, c'est même trop, voilà. Donc, ils sont contents, il faut pas... Mais dites-moi si je me trompe, messieurs, mais Disco sort juste après Camping, non? Oui. Le succès de Camping, ils remettent le même duo. Ça fonctionne. Ah, oui. Et le truc, c'est qu'on a beau critiquer Antoniente, mais le mec, en fait, quand tu cumules, il a fait quand même des millions d'entrées, le mec. Donc, enfin, c'est ça le problème, en fait. Ah, mais il a mis la daronne à l'abri. Hein. Ah bah je veux dire. Il a risé Turf. Qui a fait 30 000 entrées. Ouais, c'est sûr. Une exposition au minima, que ça soit VOD, DVD. Alors là, vous le trouvez pas. Ouais. Mais c'est là où on voit la différence entre un grand acteur et Dubosc, c'est-à-dire que un poolboard, il va faire comment il s'appelait le film qu'il a fait où il faisait Podium. Podium, voilà. Ah, on va vraiment parler d'un autre film de Yann Moix. Non. Non, mais c'est tiré dans le livre de Yann Moix, mais c'est pas lui qui a réalisé Podium, ça se voit. Ah, si, c'est lui qui a réalisé Podium. Il a tout fait, en fait. Ouais, il était pas vraiment là, à mon avis, parce que c'est pas mal, Podium, comparé à Cinéman. Mais bon, enfin. Attends, on y arrive. Dubosc dans Podium, ça aurait fait la même chose que Disco, un truc malaisant, tu vois. Et la manière dont Poulvord joue, le personnage fait que c'est un grand film. Et c'est vraiment, c'est, pour moi, voilà, il y a un truc qui gêne avec Dubosc. Il y a plein d'acteurs qui veulent pas jouer avec lui. Hein. D'ailleurs, dans Cinéman, dont on parlera après, il y a plein d'acteurs qui sont partis du projet quand ils ont su que c'était lui, la tête d'affiche. Il y a un petit truc de malaisant avec lui. Sans être méchant, t'en passe, Franck, si tu nous écoutes. Mais voilà. Bah, il a une étiquette, surtout, quoi. T'as dit quoi? Il a un peu une étiquette. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Et puis bon, j'ai cité encore un acteur belge pour dire que il rendait un film grand. Clégo, est-ce que t'as aimé Disco? Est-ce que tu as dansé quand tu as vu Disco? Dansé, ne faut pas exagérer. Je l'ai vu ce matin, pour être exact. Ah, le matin, tu regardes Disco? Ouais, il a passé une super journée. Bah, j'ai écouté l'épisode de Culturims et après j'ai mis Disco. Voilà. Voilà. Ah, le lèche-cul, quoi. Un bon enchaînement, hein. Du coup, Disco, c'était bien. Après tout ce que t'as fait, merde. Clégo, il t'a donné un billet de combien, Chris? Dis-moi, je double. Il est en train de changer, il arrive vers nous. C'est quoi, Clégo? Rejoins le bon côté de la force, Clégo. Dis-nous ce que tu veux, Clégo. Enlève cette casquette de merde. Tu veux le tapis de souris? Tu veux le tapis de souris? Tu veux quoi? Tu veux que Thomas se barre? Non? Dis-nous ce que tu veux, Clégo. Tu peux pas nous lâcher comme ça, c'est pas possible. Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, Clégo, merde. Merde. On a chié dans la colle. Vous avez chié sur leur Disco, quoi. La honte. Non, c'est un mauvais film. Clairement, c'est un mauvais film, mais je l'ai trouvé un minimum sympathique, quand même. Ah, merci. Parce que t'as écouté l'épisode de Culture Rimes avant. Voilà. Et que j'ai vu, je crois que le pire film de ma vie hier. Avec on vient tout à l'heure. Aïe, ah oui, d'accord. Ouais. Oui, forcément. On en parle pas juste ce film là. Tu vois que tu l'as vu pour rien. Je vais vous en vouloir. Et qu'on le saute. Voilà. Forcément, à côté Disco, tu donnes un César à Neneuil, hein. Ah oui, clairement. Ah bah tu donnes même limite un César à Francis Lalanne, hein, franchement. Ouais. Quand je t'aime. Oh putain, ouais, meilleur bande originale. Merci. C'est fou. Merci. Voilà. Le mec a inventé le caméo. Participation éclair. Dans tous les sens du terme. Ah, mais je dis son meilleur rôle, hein. Il est arrivé, finalement, il n'y a pas besoin de moi, je m'en vais. Bah, une chose bien, c'est qu'après, il n'a pas été frappé le caméraman pour avoir la bande, quoi. C'est cool. Ça. Oh, je vais être en film, donne-moi ça, donne-moi ça. Ou ça a été fait, mais ça a été coupé. Mais il a sûrement fait. Est-ce que vous avez encore envie de parler de disco? Il y a non, vraiment non. D'habitude, vous faites ça en fin d'émission, mais ça vous dit de faire un petit JT maintenant? J'allais le proposer. Je vais lancer la petite musique. Et Flony, est-ce que t'es prêt pour ton JT? Mais bien sûr. Eh ben, c'est parti. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Culture News. Ce soir, biodiversité. Des chercheurs ont repéré chez les singes hurleurs un phénomène de compensation entre leur organe vocal et leur organe génitaux. Et oui, plus on rit fort et plus les testicules sont petites. Question des auditeurs, mais comment Greg du podcast Qu'est-ce qu'il devient fait-il au quotidien? Parcoursup. Dégringolade des demandes pour les écoles de graphisme. Et oui, quand les lauréats du bac ont vu les majeurs de promo de l'année dernière qui ont eu les meilleures notes en faisant le logo du podcast Qu'est-ce qui devient, ils se sont dit qu'avec leur connaissance du logiciel Word et WordArt, ils n'avaient plus grand-chose à apprendre. Politique. Roselyne Bachelot, notre chère ministre de la Culture, a récemment tweeté « J'adore écouter les podcasts, mais mon top 1, c'est Qu'est-ce qui devient ? D'ailleurs, j'embrasse Chris. Quand le karma s'abat sur vous comme ça, il faut savoir se remettre en question, les mecs. » TripAdvisor, événement planétaire. Et oui, ça y est, enfin, le 30 mai, ce qui devait arriver, arriva. Le premier et le seul avis a été déposé sur la page internet du podcast Qu'est-ce qui devient ? Bravo les gars, continuez sur votre lancée. C'est un tueur. Climat. Une nouvelle cause de la montée des eaux a été découverte. Il s'agit en effet des larmes de l'équipe de podcast Qu'est-ce qui devient ? Qui vient de se prendre une leçon par le podcast Culturips. International. Nos amis belges viennent de battre le record du monde d'éoliennes installées sur leur sol. En cause, Greg, qui chaque semaine brasse du vent. Chris. Ah, Chris, excuse-moi. C'est Chris. Ah, non, non. Le mec, il a rien préparé, en fait. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, qui chaque semaine brasse du vent pendant au moins 2 heures dans son émission. Le plat pays a donc sauté sur l'occasion. Enfin, dernier point, l'information principale de ce JT, le podcast Qu'est-ce qui devient n'a jamais gagné le podcast award, mais Culture IMS, oui. Oh là là, bien joué, franchement bravo. Ouais. Bon, ça tournait un peu sur vous, les mecs, mais c'est vraiment le hasard. Non, hein, c'est le hasard. C'est l'actualité. C'est hein. L'actualité, les mecs, c'est le JT. Hein. Alors, moi, personnellement, je m'en plains pas. C'est JT. Bon, nous, on vient de commencer. Nous, on est là depuis 6 mois. Donc, on va même pas essayer de se venger, les gars. On va même pas leur dire, par exemple, la différence entre eux et nous. Nous, on est champions du monde. Ça fait que 6 mois qu'on est là, tu vois. Vous connaissez la différence entre eux et nous? Ah, mais nous, ça faisait 6 mois quand on a gagné les Podcast Awards. Je sais pas si je t'ai... Oui, mais... Ah, pardon. C'est que nos auditeurs, ils connaissent nos noms. Bah, mais aussi. Eux, ils connaissent le nom de tous leurs auditeurs. Ça c'est pas mal. Enfin, j'ai regardé les commentaires sur chaque émission, c'est tout le temps le mec qui commande. Donc au bout d'un moment, si vous en avez qu'un, c'est normal qu'ils connaissent vos noms, les mecs. Forcément, si c'est votre mère. Ah, on le dit dans le premier épisode. C'est la mère de Greg qui nous écoute. Bisous. Non, mais c'était fort sympathique. Franchement. Pour un podcast qui a 3 ans, c'est pas mal. Attendez, moi, ça sera dans 3 ans. On aura eu l'Oscar. Là. Tu sais, ça me fait penser à genre Yann Moix dans On n'est pas couché, qui le mec fait son avis sur Nekfeu, alors que le mec ne connaît rien au rap, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. C'est exactement pareil, tu vois. C'est Qu'est-ce qui devient qui nous dit des trucs sur nous, tu vois. Enfin, c'est le monde à l'envers, quoi. Merde. Incroyable. Non, mais ce qui est drôle, c'est avec Yann Moix, c'est quand à chaque fois qu'il faisait une intervention dans On n'est pas couché, ben les gens ils disaient Mec, ta gueule, t'as écrit Cinéman, quoi. Ouais, ouais. Le mec, il est plus jamais légitime de rien. Ah, donc, parce que chez vous, en Belgique, Yann Moix, c'est encore dans On n'est pas couché? Il vient d'arriver sur TV5 Monde. T'es du retard. Hein. Ouais, par contre, les gars, ce qui est drôle, c'est que les films, en général, sortent une semaine avant en Belgique. Les gens le savent pas, mais on reçoit les films avant. Normal, on bâcle le doublage. Non, c'est en fait vraiment, ils testent un peu chez nous. on est des sages cobayes, tu vois. Non, donc si un film il prend pas du tout, des fois il sort pas. Dès sa sortie, il prend cher en Belgique, sortira pas en France. Ouais, c'est ça, c'est un bon indicateur de tendance, hein, clairement. Ouais, c'est clair. Bah des fois on se fout un peu de votre gueule, tu vois. Et mais par contre, on en parle que depuis le début, on a parlé de trois fois de Yann Moix quand même. Enfin, ouais. Du coup, c'est une émission sur Franck Dubosc ou sur Yann Moix. Merde, moi je sais plus. Je suis Yann Moix, on arrive à Cinéman, les gars. Oh non. Oh là là. Moi j'en parle pas. Le film maudit. Donc Cinéman est un film franco-belge. Oui, on vous a fait chier jusqu'au bout. Réalisé par Yann Moix en 2009 avec Franck Dubosc, Lucie Gordon, Pierre-François Martin Laval et Jean-Christophe Bouvet. J'ai pas envie de dire les autres acteurs tellement ce film a fait chier. Il y a Galabru dedans, c'est cool. Pas si voilà, cool que ça pour Galabru du coup. qui a envie de parler de cette sombre merde? Bah moi je vais vous laisser les mecs. On va peut-être laisser parler les autres. Je pense que t'as tout dit, c'est un immonde film de merde. Voilà. Moi je tiens juste à dire, ça va être très rapide. Cinéman, quand il est sorti, j'avais 12 ans et c'est la première fois que j'ai vu un film et que mon cerveau a dit ça, tu vois Thomas, c'est un film de merde. Et par toi-même, tu t'en es rendu compte. Tu vois, quand t'es vraiment jeune, chaque film, ils sont trop bien. Tu vois, Astérix aux Jeux Olympiques, il était trop bien, moi, quand je l'ai vu au ciné. Et bah, quand j'ai vu Cinéman, c'est la première fois de ma vie où mon cerveau m'a dit, ça, tu vois, c'est un film de merde. Est-ce que c'est le jour où t'es vu un homme? Des membres de Culturims a un cerveau. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça fait plaisir parce que c'est lui qui a le cerveau pour tous en même temps, tu vois. Bah, c'est pour ça. Oui, oui. On le partage. On le partage aujourd'hui, c'est lui, demain c'est moi. Tu ne respires plus après. Après, je sais pas, parce que quand il a dit que Asterix Obélix aux Jeux Olympiques c'était bien. Non, mais attends, je disais ça parce que je l'ai vu quand j'étais petit. Au niveau des films, de t'inquiète. Non, mais. C'est la face cachée du cerveau. Oui. Vas-y, défends Astérix. Non, je disais juste, alors oui, je pourrais le défendre, Astérix, parce que. Mais on n'est pas là pour ça, allez. On n'est pas là pour ça. Sujet. J'ai juste que vous avez tous autour, j'ai envie de dire autour de cette table, mais on n'est pas autour d'une table, donc, autour. Voilà. Vous avez tous vu un film quand vous étiez petit, que vous avez kiffé, et quand vous l'avez revu, vous êtes rendu compte que c'était une grosse daube. Oui. Voilà. Je confirme. C'est l'exemple que je voulais donner. Moi, j'ai vu Astérix j'étais avec des yeux d'enfant, je me suis dit, c'est stylé. Plein. Mais quand je l'ai revu adulte, je me suis dit, c'est de la merde. Je l'ai revu, j'ai vu. En général, lui, il change pas. C'est-à-dire qu'il avait aimé Plutonnage quand il était gosse, il aime toujours Plutonnage, tu vois. Bah oui, mais Plutonnage, c'est génial. Mais non! Mais si, mais c'est parce que vous l'avez pas vu du bon œil. C'est tout. Voilà. Si, j'ai d'un œil nouveau, d'un œil vif. Mes deux yeux. C'est pas ça, peut-être un œil que nous on n'a pas. En même temps, il a pas été extrêmement diffusé à la télé, hein, vraiment sur les chaînes du câble plutôt. Mais en vrai, c'est de la merde. Joker, je ne l'ai pas vu. En parlant de merde, Clégo, t'as vu Cinéman aujourd'hui matin, toi? Je l'ai vu hier après-midi. Oh putain. Après, c'est des bons après-midi, toi. Après le café, hein, le déjeuner, c'était top. Et ce film m'a filé mal au crâne, en fait. Mais c'est pour ça qu'il y a une corde autour de ton cou, là, qui va vers le plafond, c'est quoi? Ah ouais, c'est Jean-Henri, c'est cette corde derrière. Pose cette corde. Lâche ce couteau. Reste avec nous quand même, on en a besoin de toi. Non, mais c'est totalement de la merde, en fait. Bah déjà, tu sais quoi, on va t'ennuyer, fais-nous le pitch du film pour les milliards de personnes qui ne l'ont pas vu, fais-nous le pitch du film. Oh, c'est la joie qu'ils ont de pas l'avoir vu. En fait, Cinéman, c'est un personnage, je ne sais même pas retenu son nom tellement c'est nul, qui est joué par Franck Dubosc. Voilà, qui est un prof de maths. Il s'appelle Le Gilbert. Ouais, Gilbert Canard. Et qui trouve une broche qui vient de Sissi l'impératrice dans son film. Et grâce à cette broche, il peut aller voyager de film en film. Et il a pour but, dirigé par Pierre Richard, de sauver Sissi pour la ramener dans son film. On est vraiment déjà sur un délire, quoi. Sissi a été enlevé par un borgne joué par Pierre. Qui au départ est figurant, mais en fait il veut devenir personnage principal et il veut se taper Sissi. Waouh! Voilà. Franchement, le mec qui a écrit ça. Je sais pas ce qu'il avait pour débris, hein. La même chose pour moi, mec. Clairement, ouais, là, c'est. Le gars devait être coqué à mort, quoi, c'est incroyable. Limite, moi, je préfère les pitchs des films de requins, tu vois, les bons films, les bons vieux films de requins tout pourris, plutôt que ce pitch-là, quoi. Putain, hein. Je préfère le requin de glace ou le requin des sables plutôt que ce pitch-là, quoi. C'est impressionnant. Non, moi, tellement. Le gars devait être coqué, film, c'est le bruiteur. Parce qu'il y a des bruitages dans ce film, c'est n'importe quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Mal aux oreilles. C'est de la merde aussi. Ah oui, le poste synchro, il y a toujours un décalage de 4-5 secondes. Du coup, quand vous voyez la version DVD du film et la version cinéma, parce que j'ai vu les deux. Mais pourquoi? Arrête. Mais pourquoi? Parce que. Stop, c'est un dieu. C'est un dieu. Il faut noter qu'il est encore parmi nous. Je suis là. Oui, mais il a l'air c'est un dieu. Je vois ta tristesse dans ses yeux. Je crois que c'est les deux visionnages. On t'aime, Arthur. Non, c'est un dieu. Force à toi. Deux visionnages. Alors, la première fois, je m'attendais rien du film. J'en avais jamais entendu parler, à part les affiches géantes dans le métro. Mais c'était normal, hein. Franck Dubosc. Du coup, t'as pas été déçu, du coup. C'est bien. Voilà. Donc, je n'en savais absolument rien. Yann Moix, je me suis rappelé qu'il avait fait Podium. Et c'est tout. Bah, en général, quand tu rentabilises une carte UGC ou Gaumont pâté ou même dans le truc indépendant, bon bah des fois t'es un peu limité au niveau des choix des films ou je sais pas. Je cherche pas d'excuses parce que je m'attendais à rien et puis je suis arrivé un mal de crâne terrible comme Clégo en fait, mais en version live avec grand écran. Regardez comme ça. Limite les bandes annonces de n'importe quel film d'action, de Vin Diesel, de Stallone, de n'importe quelle comédie française, n'importe quelle publicité pour du chocolat, n'importe quoi, c'était plus plaçable que Cinéman. On pourrait résumer comment faire un Jacques Tati en 10 leçons via Google Trad. Là, t'es en train de prendre le côté délire méta du film que voulait concerner Moix, mais au final, c'est un pétard mouillé une espèce de mal au crâne, où le côté synchro labial complètement foiré au bout de 5 secondes, et c'est retranscrit aussi dans la version DVD, hein, parfois. Il y avait aussi alors, ce côté je pense que c'est une volonté de Yann Moix de faire ça. C'est peut-être une volonté, mais ça a déstabilisé. Mais c'est une volonté de merde. C'est une volonté de merde, on est d'accord. C'est de la merde. C'est pire que je pensais. C'est pire que je pensais, parce que je croyais que ça venait ma VHS américaine. Ça, mais c'était le décalage. Je pensais pas que c'était vrai. On n'allait pas le voir à cause de ce souci-là. Et c'est gênant. Et il n'a pas l'air de se rendre compte, Yann Moix, que au bout d'un moment, c'était une intention de réalisation qui peut être rigolo dans un délire, dans un schéma un petit peu particulier, précis, mais là, non, ça ne fonctionne pas. Ça m'a fait mal à la tête, et j'en avais marre. Je regarde mon portable discrètement, et j'ai même 80% du film, et au bout d'un moment, je suis parti. J'ai fait une section de jeu par 4. Ça m'a empêché de le voir une deuxième fois. Oui. Il n'avait pas vu la fin. Jazz, est-ce que t'as déjà vu un film aussi prétentieux que ça? En 3D. Ah bah si, carrément. Et pourtant, quand j'étais jeune, je voulais voir Cinéman parce que je trouvais que. Il y avait Man à la fin et que t'aimes bien la super-héros. Voilà, c'est ça. mais en voyant les affiches, ou même la bande-annonce, je m'étais dit, oh tiens, ça peut être pas mal. Oui. Voilà. Mais c'était la bande-annonce. Et finalement, après, je l'ai vu en DivX à l'époque. Et en prison. Parce que j'avais la VHS. Télécharge pas les films. Celui-là, t'as le droit. Regardez-le illégalement, mais. Ah oui, c'est de notoriété publique, cinéma. C'est illégal. Je rappelle en DVD. Même dans les cash converters, il est pas simple à trouver, hein. Oui, c'est vrai. Parce que personne l'a acheté au départ. Et puis parce que personne ne veut le vendre aussi. Le fois qu'ils l'ont, ils ont même pas le vendre, ils ont peur, avec ça. Ils ont peur, c'est vrai. Mais chez cash converters, en général, c'est 4h du matin. Donc en général, je le vends pas. Vous vous rappelez de Parker Lewis, là, quand les gars amènent les cassettes vidéo, là, Massacre à tronçonneuse, Freddy, et puis tout en bas, il y a Bambi. Le mec qui amène Cinéman, il vend tous ses DVD, il le met tout en bas, quoi. Il a honte. Ah, il le met dans un rayon ultra caché, c'est-à-dire que même Camping 1, 2 ou 3, c'est plus visible que vraiment cinéma, quoi. Ah, il met un billet dans le boîtier de DVD, et prenez-le. Gratuit. Et c'est technique, offert par la maison, voilà, je n'en veux plus. Mais vas-y, Jazz, continue sur ce chef-d'œuvre. Non, mais en fait, concrètement, c'est mauvais, ça pue, vraiment ça pue. Parce que moi, j'ai vu en 4D. Premier odorama, film en odorama. Ça pue du cul. Les sièges bougent, tu sais. Il y a un petit P de Michel Galabru dans le film et. Il était déjà vieux à l'époque. Ok. Il a plus son lumière. Vient d'où cette odeur? Du Nord. Et en fait, pour le problème de son, ce qui s'est passé, et on voit l'amateurisme de Yann Moix, c'est-à-dire qu'en fait, au montage, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème de son, parce que en fait, sur certaines scènes, on n'entendait rien. Et il a demandé aux acteurs de revenir pour la post-synchro. Et c'est là qu'on se dit qu'en France, on est très mauvais en post-synchro par rapport aux États-Unis. On le voit sur certains films français, ça ne passe pas du tout la post-synchro. Et donc c'est pour ça en fait ils ont eu très peu de temps pour le faire et ils ont carrément bâclé le film et ce connard pensait que ça allait passer crème aux yeux des spectateurs et ben non c'est la première critique qui est tombée en disant Cinéman souffre d'une post-synchro catastrophique. Moi j'ai de la peine pour Pierre Richard parce que franchement il méritait pas ça. J'adore cet acteur en plus. Ouais, mais là c'était un peu le naufrage. Hein. Et puis, on ne pouvait pas savoir sur l'avenir d'un film, hein, mais Pierre Richard n'a pas choisi. Alors, quand tu vois le scénario, quand même, tu. Je ne sais pas d'état d'humeur il était à ce moment-là, Pierre Richard. Ouais. Mais c'est vrai que. Après, pour défendre Pierre Richard, c'est-à-dire que Yann Moix, il sortait quand même d'un film qui avait coûté rien du tout. Et Podium, il avait tout éclaté au box-office pour faire ça. Et pour un premier film, ça avait été un succès monstre. Et je pense que la plupart, ils sont allés, j'ai envie de dire, assez aveuglément. En se disant, vu ce qu'il a réussi à faire avec si peu de thunes et vu comment Podium a marché pour un truc qui était quand même très bancal, hein, l'histoire, on va pas se mentir, c'est l'histoire d'un sosie, les gars. Hein, et il arrive à faire ça. Je pense que aussi dans la tête des acteurs à cette époque-là, faut se remettre à l'époque. Et je pense qu'ils se sont dit, vu le succès, ça peut amener à quelque chose, ça va être nouveau. Yann Moix a plus de thunes, il va peut-être réussir à faire quelque chose. Spoiler alerte, non. Non, surtout que ça devait être Poulvord aussi qui revenait au départ. En effet, ouais, c'est pour ça que les Belges sont dans le produit de film. Ça devait être Poulvord, ça devait être ensuite Jean Dujardin, et ils ont fini avec Dubosc. Que des noms quand même connus. Hein. Ouais, tu finis avec Dubosc, quoi. Ah, c'est dur quand même. Hein. T'as une liste et t'as le dernier nom, c'est Dubosc. Et juste après, c'était Dieudonné. Donc, c'est ça, quoi. Tu vois, et après, il y avait Josiane Balasco aussi. On a Van Damme, quoi. Et tu finis avec Lorenzo Lamas, quoi. Ouais, mais Lorenzo, on le kiffe. Oui, on le kiffe, mais. Bon. On t'embrasse, Lorenzo. On t'embrasse, absolument. Donc, vas-y, Jason, t'as fini ou tu en... Non, je vais continuer un peu, c'est quand même un film de merde. On a tartiné, la merde. Qu'est-ce qui te vient, quoi. Non, franchement, c'est un film très mauvais. Dubosc, il est insupportable en film. En plus, ils lui ont foutu des lentilles noires. Je comprends pas. Alors, il a une gueule à la Toomes dans X-Files. C'est dégueulasse à souhait. Il est dans une classe. Le mec, Yann Moix, il s'est cru dans un film de Jacques Demy, avec des élèves qui ont des t-shirts colorés, avec des petits messages et tout ça. C'est une catastrophe. Je sais qu'à un moment donné, il y a une petite chanson de Pierre Bachelet. Où Dubosc fait un karaoké. Et j'aimais bien cette chanson. Depuis que j'ai vu Cinéman, je ne l'aime plus. Torturé dans tous les sens du terme, en propre comme en figuré, et c'est là d'où venait un peu aussi le mal de crâne, plus tout ce qui traînait aussi dans la longueur. Hein, et de la vie des spectateurs. Pardon. franchement, l'équipe de Qu'est-ce qui vient. C'est carton rouge, non? Ah oui, c'est carton rouge. L'équipe de. Voilà. Je lui avais dit au début, tu viens avec Lego, vous venez en public et tout, vous regardez, vous rigolez aux fans, de temps en temps vous intervenez. Et là, c'est carrément le mec qui monte à poil pendant un match de foot, quoi. Il s'est inclus, on lui a rien demandé, tu vois. Sur la pelouse! Parce que bon, Lego, il est sympa, bon, il a une casquette particulière, on va pas lui en vouloir. Mais. Est-ce que tu peux nommer la casquette, s'il te plaît? Parce que tu t'as pas dit le nom, le logo qu'il y a sur la casquette, c'est quoi? Je sais pas, j'arrive pas à le dire. Mais grosse merde. Je vois ça. C'est ce que je dis ici. Hein. il parle quand on lui donne la parole. Et non mais t'inquiète pas Arthur, c'est le deuxième avertissement. Et donc du coup ah, le mec. Non mais c'est le troisième au montage, je te mets une voix de canard. Et je t'assure, avoir la voix de Daffy Duck, c'est pas top. Hein. Mais non, mais Cinéman, c'est vraiment dommage. Et d'autant plus que c'est le dernier rôle, il me semble, de l'actrice principale. Ouais, c'est suicidé direct. Ouais, qui s'est suicidé. Je fais pas de blague, elle est morte. Mais c'est con, c'est qu'elle a failli mourir pendant le tournage. Oui. Elle s'est suicidée juste après. Enfin, ouais. Comme Paul Walker. Il a failli mourir dans Fast and Furious. Voilà. Ah, c'est un film qui ne fait pas la route. Oh, quand même, il était à deux doigts de jouer la torche humaine dans Les 4 Fantastiques. Ouais, c'était ça, ou alors il prenait le rôle d'Eric Judor dans Platane, je crois. C'est un truc dangereux. Non, mais je crois qu'on sait pourquoi il s'est planté, il a pris un feu. Ou il a joué dans Les Choristes. Et dans la voiture, ah ouais. Il disait « J'ai chaud ». Qui a coupé la clim? Non mais voilà. Plus le tarmac là, vas-y. Non mais Cinéman, voilà, c'est vraiment de la grosse merde. N'hésitez pas quand même. Si vous voulez, il y a qu'ici qui peut passer de Paul Walker, il a pris un feu à Cinéman, c'est de la grosse merde. Je crois que ça n'a jamais été aussi proche. La transition. Et je fais le grand écart de Jean-Claude Van Damme. Aucun humain n'a mis ses phrases. Ça a commencé par ça en fait. C'est superbe. C'est vraiment super. Merci, continue à faire des critiques comme ça, on adore. Non mais Cinéman, c'est de la grosse merde. Mais écoutez, Cinéman, c'est vraiment pas mauvais. Non, franchement, allez-y. Hein, allez-y. Hein. Tiens, on va demander l'avis de Guillaume. Tiens, allez, hop. Bah. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Il sert à rien. Vas-y, seul. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Guillaume, on est deux. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu seulement des extraits. J'ai eu la chance de voir des extraits. Et c'est, enfin, Dubos qui fait sûrement mauvais, mais bon, peu importe. Mais j'ai, en fait, j'attendais là ce soir qu'on me vende le film pour que je le voie. Attends, en fait. Gus, vraiment. Gus. Moi, je te le vends en grec. Attends, Gus. D'accord. Combien? 10 centimes. Ah putain. Avec les frais de port. Gus, Gus, est-ce que t'es allé chier ce matin? Non. Non, t'es allé chier à un moment donné dans la semaine? Non. Non. Putain, mais gars, t'as des problèmes de transit. T'as des problèmes de transit. Ok. Donc déjà, tu vas boire de l'épargne, d'abord. Et tu vas bouffer des haricots verts. D'abord, on part sur un transit qui revient à la normale. La dernière fois que t'as chié, c'était comment? En 2012. La prochaine fois, ce sera aussi bien. Ça sera même mieux. C'est moi Cartman. Ah d'accord. Cinéman, c'est ça. Voilà. Ok, bah parfait. Parce qu'en fait, moi, quand Flo m'a donné la liste des films à voir... J'imaginais son caca juste avant de tirer la chasse et le caca dit « On n'attend pas Patrick. » Allez, vas-y, continue. Quand Flo m'a vendu les 5 films à voir pour cet enregistrement, bon, déjà, j'ai vomi. Et ensuite... tu chies pas, mais tu vomis. Ça sort du mauvais côté, là. Tu peux aller voir quelqu'un. Ça sort de l'autre. Et genre, y a Flo qui, moi je traîne, tu vois, pour regarder les films. Je dis putain, fait chier, j'aime pas du Dubosc. Du coup, j'ai tout maté là depuis 2 jours, donc ça fait chier. Mais Flo les a regardés un peu en avance et il nous dit, bon les gars, regardez pas Cinéman. Hein. Même dans mon jacuzzi, ça passait pas. Hein. Déjà, le gars a l'égocentrisme de regarder des films dans son jacuzzi, ce que je trouve. Je me suis dit, film de merde, bon moment. Voilà, je fais moins et plus. Du coup, au bout de 10 minutes. C'est des mecs comme Clégo et sa casquette qui lui ont payé son jacuzzi là. Les gars, arrêtez, hein. Alors... vous êtes en train d'enrichir des nantis comme ça va pas. Bah ouais, on est pas nantais, on est tourangeaux, faut rien avoir. Pour regarder Cinéman, donc bon. Isabelle que, c'est ça. Le gars, il boit du champagne dans des verres à coca. Non, des verres à moutarde. Ouais, avec je fais la collection, tu vas juger ou pas? Les verres, je suis sur Spirou, là. Ah mais ça fait des verres gratuits. Hein. Bah, il n'y a pas de petites économies, les mecs. Hein. C'est économe. C'est les verres sur Dora l'Exploratrice. La collection Astérix. Ah, vous avez été méchant avec Dora l'Exploratrice, j'ai écouté. Vous avez été méchant. Ça fait une pour petite fille, les gars. Mais en fait, la seule chose qu'on a vannée, c'est Eva Longoria et le pâté. Hein. Quelques effets spéciaux par-ci par-là, mais bon, comparé à Cinéman, les effets spéciaux étaient révolutionnaires. Ah, oui. Ah bah, tu mets Cinéman et Dora. Putain, Cinéman, on a tellement rien à foutre qu'on parle de Dora. Mais vraiment. Non mais en fait, moi, le film, je suis changer de film, hein. On change de film. Non, vraiment, mais en plus, moi, ce que j'attends dans un film, c'est vraiment, je me dis, bah, le personnage principal, il va être un peu cool, tout ça. Mais non, mais c'est un connard. Il est imbuvable, ouais, du boss, en plus, dans ce film. Il a l'air détestable. Mais il est, pour moi, il l'est, hein. Je l'insulte. Je me suis dit, en fait, c'est Yann Moix qui s'est projeté dans le personnage principal, et je me suis dit, et c'est vraiment comme ça que tu parles aux gens, toi? Il faisait t'as l'air d'être un sacré sac à merde. Il faisait que des conjonctions de coordination à chaque fin de, chaque début de phrase ou pas, Dubosc, dans le film. Comme Yann Moix, tu vois, je sais pas s'il est rentré en lui, tu vois. Il parle qu'en Alexandre. C'est l'incarnation. C'est ça. Ouais. Mais vraiment, mais du c'est coup, un film de merde. Hein. Moi, ce qui me rend dingue, c'est que là, dans notre analyse, on a mis moins de temps à expliquer Camping. Et on a passé énormément de temps à parler de Cinéman alors que c'est une grosse merde. Ouais, mais pendant Camping, on n'a pas parlé de Dora, donc c'est ouais, mais c'est même si t'enlèves la partie Dora, hein, je pense qu'on est sur le double de temps sur Cinéman que sur Camping, hein, clairement. Camping, c'était... Mais juste pour la petite anecdote dans ce film, donc il y a quelques années, il y avait Bernard-Henri Lévy qui avait sorti Une sombre mer qui était Le jour et la nuit, et il avait été défendu que par une seule personne qui était Yann Moix. Et quand le film est sorti, quand Cinéman est sorti, Bernard-Henri Lévy s'est senti obligé de lui rendre l'appareil et il a pris deux pages dans, je crois que c'est dans Libé, un truc comme ça, pour dire à quel point le film était un chef-d'œuvre, que c'était une date dans l'histoire du cinéma français, que ça allait révolutionner le cinéma français. Ça s'appelle la date de la mort du cinéma français. Oui, c'était le seul, hein, parce que toute la presse a été défoncée à l'époque. Ah, mais clairement, mais je crois qu'il n'avait même pas vu. En fait, c'est juste parce que le seul qui avait été cool avec sa grosse merde à lui, c'était Yann Moix. Donc, en gros, c'est deux mecs qui sont en train de féliciter le caca de l'autre, quoi. Et Bernard-Henri Lévy, il n'avait pas tellement tort, parce que du coup, c'était vraiment une révolution dans le cinéma français, parce qu'à partir de là, on a dit, bah, on fait plus ces merdes comme ça, tu vois. Donc, ça a été une vraie révolution, ouais, moi, je pense. Finalement, il avait raison. Non mais attendez, Cinéman a quand même eu 1,1 étoile sur Allociné, donc autant vous dire que c'est pas dégueu. Aladdin, je suis sûr que Flo il en a mis une. Ouais, non, moi j'en ai mis 5, j'ai adoré ce film qui est une merde sans nom, vraiment. Vraiment, il y a rien qui va. J'aimerais bien qu'on soit tous ensemble, on prend des substances illicites et on regarde Cinéman. Je crois qu'il y a tu sais quoi, rien que pour ça, je pense que je peux le revoir. Moi, je serai pas là. J'ai un truc de prévu déjà ce jour-là. Tu vas te raser les cheveux. Je viendrai avec mon père et travailler à la police. Il y a un film bien plus sympathique. Je crois qu'il y en a qui n'aiment s'appelle pas. S'appelle Gabi. Mais je l'ai trouvé bien plus sympa. Par Éric Lavenne en 2011. Et c'est Bienvenue à bord avec Valérie Lemercier, le génialissime Gérard Darmon, Louisa Regneri et Lionel Assier qui est top aussi. Donc bienvenue à bord. J'interroge tout le monde. J'ai vite faire le pitch. Donc c'est Valérie Lemercier qui est DRH pour une compagnie de paquebot, de voyage de paquebot, et elle doit engager un gars pour animer. Et il y a un gars génial et un gars très con qui est Dubosc. Et vu qu'elle va engager le génial, et vu qu'elle se fait larguer à ce moment-là, elle engage le con pour foutre le bordel dans le bateau. Mais ça se passe pas exactement comme prévu, parce que Monsieur Dubosc est peut-être un peu plus attachant qu'on le croit, et il règle pas mal de soucis dans le bateau. Et moi, j'ai trouvé ce film hyper feel good. Je me suis super bien marré devant ce film. Merci. C'est très con, mais j'ai trouvé ça sympa, et c'est une des premières fois où j'ai pas envie de frapper Franck Dubosc, et rien que pour ça, ça mérite que j'aime bien. Et puis il y a Valérie Lemercier et Gérard Darmon, et à partir de là c'est cool. J'ai demandé à mon ami Greg ce qu'il a pensé de ce film. Ouais, moi j'ai aussi bien aimé, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est la première fois que j'ai vu Franck Dubosc dans un film où je me suis dit waouh, bah en fait il est assez cool, il est pas détestable. Donc je me suis assez bien amusé. Après, Gérard Darmon est juste exceptionnel, mais comme tout le temps. Oui, donc énorme, à partir du moment où tu mets Gérard Darmon dans un film, un film avec Gérard Darmon est mieux qu'un film sans Gérard Darmon. Gérard Darmon. C'est un principe de cinéma. Ah ben c'est un principe. On a le même avec Woody Harrelson, hein. Je veux dire. Ouais, et Oliver Platt. Et Oliver Platt, on est d'accord. Et Oliver Platt, absolument. Voilà, c'est les trois. On les embrasse d'ailleurs. Vas-y, continue. Mais non, franchement, ce film, je me suis bien amusé. Je trouve que Franck Dubosc, là pour le coup, il a un rôle un petit peu plus attachant parce qu'au départ, il est vraiment con. Mais vraiment. Et en fait, les premières minutes, je me suis dit. Ce mec, il aurait pu être dans Culture Inc. Ouais. C'est un passage obligé. Je sais pas. Il est un petit peu plus intelligent à la limite. Mais bon, bref, peu importe. C'est pas, le sujet n'est pas là. Mais franchement, je trouve quand même que le début, en fait, je me suis dit, ouah, ça va être long. Ça va être long parce que il est vraiment, vraiment très con. Et en fait, petit à petit, il continue à montrer qu'il est con, mais il montre un petit côté attachant, en fait, dans le film. Et c'est assez, enfin, notamment le moment où il l'envoie pour l'humilier, il l'envoie dans la salle de jeu avec les petits enfants. Et normalement, c'est tu peux pas aller là-bas parce que les enfants sont chiants, enfin, ils arrêtent pas de crier et tout ça. Et à un moment donné, Gérard Darmon, il arrive, il ouvre la porte et il y a pas de bruit. Et alors là, il regarde, il dit, c'est normal. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Passage quand il passe devant la porte. Donc c'est le jardin, dans le truc où on garde les enfants dans le bateau et d'habitude ça hurle. Et la première fois qu'on le met dans le bateau du boss, donc c'est pour ceux qui l'ont pas vu, le gars à qui on dit il va te remplacer, le gars il le serre dans ses bras, il serre du boss. Ouais. Il dit, merci. Il dit, merci. Le gars il est bon courage et tout. Et du boss qui la main doux les gosses parce que ben voilà il est gentil. Mais oui, et on voit qu'il s'entend bien. Puis moi ce que j'ai bien aimé à la fin c'est le petit spectacle de fin. Bon, ça peut paraître un peu ridicule, mais finalement, ça sert assez bien ça s'insère assez bien dans l'histoire, notamment avec le commandant, de qui d'ailleurs il tombe amoureux, comme le personnage de Franck Dubosc. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. J'ai passé un bon moment, et pour moi, c'est l'un des meilleurs avec Camping dans la liste qu'on avait mis, parce que, honnêtement, je me suis bien amusé, et puis voilà, encore une fois, Gérard Darmon est juste bien, et je trouve que le duo match assez bien, en fait, avec Darmon et Dubosc. Ouais, c'est clair. Guillaume, vas-y. Pour compléter, donc c'est vrai que c'est aussi le seul film où Dubosc, j'avais pas envie de le tuer. mais moi, en fait, pour compléter, c'est en fait le côté beauf de Dubosc dans celui-là, je l'ai trouvé un peu plus dans de la maladresse et ça le rend beaucoup plus attachant. On a l'impression que c'est pas vraiment exprès, c'est mal fait. Voilà. Et du coup, ça passait beaucoup mieux à l'écran. Et moi, petite mention spéciale pour le running gag de Lelouch. Il est excellent, Lelouch. Il me fait beaucoup trop rire. Explique-le pour ceux qui l'ont pas vu. Donc en fait, c'est Philippe Lelouch, c'est pas Gilles, c'est Philippe. Les Baldwin à la française. C'est Philippe. Ça, exactement. C'est Philippe. Ok. Et en fait, donc dès le début, on voit comment il fait. En fait, c'est un hétéro qui se fait passer pour gay auprès des femmes pour les baiser, et tout le long du film, il fait que de Ken en fait. Tout le temps. Ah, et ça me fait juste trop rire. C'est la première fois que je ressens ça pour une fille. et à chaque fois, ça marche. Mais il est top. Il est top, il joue super bien. Et quand il fait du boss, là, enfin, quand il se retrouve à la cabine, toi, enfin. Non, mais t'as pas compris. Avec toi, je suis hétéro. Avec les filles, je suis homo. Ah oui. Ouais, mais reste pas derrière moi. C'est con, ouais. Avant de prendre l'avis de Jazz pour avoir un avis sérieux, on va demander à ceux de Culturims, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce film? Bah déjà, vous commencez par Flo, sachez qu'il n'a pas du tout aimé. Ah non, j'ai pas aimé. Alors autant moi j'aime bien, j'ai même de l'affection, comme je disais, pour Valérie Lemercier, Lionel Astier, Gérard Darmon. Alors Gérard Darmon, c'est particulier, je l'aime bien, sauf quand il chante. Hein, mais vraiment là, non. Mais pourquoi tu dis ça? Et d'ailleurs, une chanson en duo avec Lemercier et Gérard Darmon, hein, à la fin du générique, qui s'appelle Au creux de la vague. Ah, j'ai pas c'est une espèce de bossa nova française. Si, il y a bien chanté. Ah, mais ça va être horrible. C'est comme la discographie de Gérard Darmon, ça doit être nul. Non, déjà, ça commence le film, t'as un arrêt sur image avec ça, c'est moi, machin, et puis t'as la voix off tout le long, tu fais non, les gars, c'est bon, on arrête avec ça, c'est pas possible. Ouais, ils ont oublié ça sur Charmide, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oh là là, non, mais. Vas-y, continue. Mais vraiment, moi, ça me gêne, en fait, ce qui me gêne aussi, c'est que, c'est Valérie Lemercier qui est la narratrice, donc pour moi, qui devrait être le personnage principal, mais en fait, c'est Franck Dubosc. Déjà ça, moi je trouve ça un peu bancal. Et après Franck Dubosc, alors ouais il est con, mais en fait c'est juste un enfant. Et c'est soit il est très très con dans le film, mais enfin d'une connerie mais abyssale, ou alors le gars il va juste dire une petite phrase, il va régler le problème des gens. Tu fais non, enfin tu peux pas passer de très très con à hyper philosophe et puis. Parce que la plupart des problèmes, c'est trop, les gars. On réfléchit trop. Alors que si on pensait comme un gosse, eh ben on réglerait plein de problèmes. Ah ouais, mais là non. Tu mettrais deux enfants à la tête. Non mais alors à ce moment-là, les Palestiniens, le problème est vite réglé. Tu mettrais deux gosses, ils vont parler, ils vont manger leur goûter. Il n'y a plus de conflit israélo-palestinien. Ah, mais à ce moment, enfin, moi je me suis dit à ce moment-là, il y a Mimi Mati qui débarque, elle donne un petit coup comme ça, et puis c'est bon. C'est le film est terminé. Enfin, c'est Joséphine Ange Gardien, le gars. C'est pas possible. Non, j'ai pas aimé ce film. C'est pas possible. Oui, t'as pas d'âme, c'est pour ça. Non. Oui, tes collègues, oui. Est-ce qu'ils ont aimé ou pas? Alors, quant à moi, moi, oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que, déjà, par principe, on me dit, écoute, Thomas, tu vas regarder un film, et il y a Enrico Macias qui sera déguisé en roseau, et qui fera une comédie musicale. C'est vrai. Non, mais attends, c'est une carotte. Je sais plus si c'est une carte, je sais plus ce que c'est, mais le déguisement est affreux. C'est un roseau. Ouais. Et le running gag du gars qui s'appelle Enrico Macias et Franck Dubosc qui l'appelle Henri pendant tout le truc Henri. Parce qu'il croit que son nom de famille c'est Comacias. Moi, je trouve ça. Encore une fois, je vous le dis, moi je regarde ça en second degré, mais je suis très client. Et oui, je valide complètement le trio Dubosc, Lelouch, Darmon. Moi j'aime beaucoup, je suis très friand. Et puis ouais, ça se regarde bien. Et je suis d'accord avec vous, les gars, c'est un film feel good, tu vois. C'est le film qui passe sur TMC le mardi soir. Et c'est ça, exactement. Tu coupes ton cerveau et tu regardes ça. À la différence de Camping ou d'autres films, le film n'a pas été vendu, tu vois. Et c'est un film que j'ai vu vraiment, mais je m'attends rien à Franck Dubosc sur le bateau. Franchement, ça te vend pas du rêve. Enfin, t'as déjà, juste le bateau, c'est bancal. Franck Dubosc dans des trucs. Et là, il est sur un bateau, ok. Eh ben en fait c'était cool. Peut-être que si on me l'avait survendu, j'aurais moins aimé, tu vois. Mais bah en fait je suis ouais ça va. Et je me suis bien amusé. Et je sais pas qui j'ai coupé, mais vas-y reprends. Non c'est ça. Non mais oui moi je suis entièrement d'accord avec toi. La scène où il fait danser toutes les vieilles aussi pendant le bal du capitaine et tout. Enfin bref. Ouais c'est cool celle-là. Ouais. C'est con. Enfin c'est cool, con mais voilà ça se regarde bien. Et j'ai envie avec fierté et engouement de passer la main à Flony qui se réjouit de parler avec vous de ce film à la fois chef-d'œuvre du 7e art et grand absent des Césars. À toi Flony, on t'écoute. Bah moi ce que j'ai à dire sur ce film c'est que je l'ai pas regardé parce que tout simplement moi j'ai décidé un truc en fait à partir de ouais on va dire Disco hein. Ouais dans ces eaux-là à partir de ce moment-là j'ai dit que j'arrêtais de regarder tous les films où Dubosc était dans les rôles principaux parce que du coup c'est juste un mais qu'est-ce que tu fais ici alors enfin... mais c'est pas grave mais parce que moi c'est pour ça qu'il se barre à 21h30 mais non mais c'est même pas ça, c'est bon il est 24 là tu non mais c'est pas ça mais en fait justement on en parlait tout à l'heure en off mais en fait je pense qu'il est beaucoup plus utile en second rôle voire tertiaire voire vraiment quatrième figurant. Perchiste, il est pas mal. Le gars qui s'occupe du catering. Non mais franchement, Plume Perchiste est vraiment pas mal. Et ouvreur au cinéma quand le film est sorti. Ouvreur, le truc qui n'existe plus. Là, il a la salle après. Non mais. Ramasse tes popcorn. Et Franck, il reste des popcorn là. C'est bon, on a tiré la corde. Oh, comment j'ai cassé l'ambiance. Ah, de ouf. Casse-toi. Tu veux pas aller avec... Allez, je vais avec Flony, on part à 21h30. Non, mais juste pour dire, en fait, après le truc, c'est que moi, étant jeune, j'aimais beaucoup l'humour de Franck Dubosc dans ses spectacles, etc. C'était un truc que j'aimais particulièrement. J'étais beau, jeune. Ouais, mais j'étais jeune. Non, mais j'étais jeune, tu vois, c'était l'humour à la con et tout, c'était marrant, bref. Et en fait, si tu veux, dans les films, en fait, je trouve que plus ça va, et en fait, plus ça a été, et plus c'est une catastrophe. Et même quand je parlais là de films avec des seconds rôles, etc., on en parlait tout à l'heure, mais le film Plan de Table, qui est plutôt un film plutôt intéressant à regarder, etc., dans la façon où c'est filmé et tout, le mec intervient, il est quatrième rôle dans le film. Et il est chiant, quoi. C'est le seul personnage dans tout le film qui est casse-couille. Dès que tu le vois, t'as envie de lui mettre une claque parce que du coup, c'est surjoué. Je trouve c'est un très mauvais acteur. C'est maintenant dans la même lignée qu'un François-Xavier de Maison qui m'insupporte. Oh non, dans Disco, François-Xavier de Maison, il joue si François-Xavier de Maison, pardon. Ouais, bah oui, il joue François-Xavier de Maison. Et en fait, c'est toujours la même chose. En fait, c'est toujours le même registre où le mec en fait est pas sorti de Camping et j'ai l'impression que tous les rôles qu'il fait, et ben en fait, c'est du Patrick Chirac qui est un peu remasterisé, mais ça reste la même chose. Et c'est pour ça. Et c'est la même chose qu'un Christian Clavier qui a eu Jacouille. C'est-à-dire que il a fait son Patrick Chirac. Il fait plus que ça. Ouais, mais je suis pas d'accord. Clavier, il était cool avant. Ouais, avant de faire Jacouille, maintenant, il fait toujours le mec énervé qui crie tout le temps. Il est devenu chiant. Ouais, il est devenu chiant, mais non, ça, c'est parce qu'il est devenu de droite. Mais après, ça n'a rien à voir. Oui, aussi. aussi. D'où le rôle de Napoléon. Voilà. Non, mais je crois qu'Arthur veut à une explication philosophique à... Rationnelle. Vas-y. Il va nous parler de film italien et portugais. Vas-y. Alors, il y a eu une confusion, je pense, à la sortie du film, parce qu'il y avait un autre film basé sur le Bienvenue à bord, croisière. Je crois. Croisière. Non, c'était Croisière. Non, c'était Croisière, voilà, parce qu'il y a eu une confusion entre les deux, et donc il y en a un qui a plus marché que l'autre, en fait. Et... C'est Flotté, plutôt. Ouais, Flotté. Flotté où on nous trouble, hein, pour le coup. C'est ça. Bah, disons que j'ai un avis un peu modéré entre Guillaume et Flonny, c'est-à-dire que j'étais dans un bon mood pour le voir. Je m'attendais pas grand-chose parce que je l'avais tout simplement pas vu. Et c'était pas déplaisant, en fait. Il y avait un côté un peu Palace, je sais pas si vous vous rappelez de Palace, dont jouait d'ailleurs Valérie Le Mercier dans un rôle assez récurrent. Donc on a un côté cet esprit de folie, de folie un peu douce, un peu furieuse, un peu potage aussi, hein, la caution un petit peu gay, bon. Mais ça m'a fait marrer. Je sais pas, j'étais dans un bon état d'esprit et... Tout enchaînait assez bien, il y avait côté assez fluide, assez un peu tarabiscoté aussi, en rattachant un peu avec les bords, avec les gros ficelles de Dubosc aussi, qui cabotinent, mais qui tentent aussi un peu de naviguer dans la justesse, tout en... je sais pas, bon, c'est pas non plus le film comique par excellence, on va pas le noter dans le top 10, on va pas le noter régulièrement... Dans le panthéon des comédies populaires, tu le mets dans le top combien, comme ça. Oh, je le mettrai quand même dans un top 10-15 quand même. Parce que mine de rien, il me fait sourire, il me fait rire, et dans les panthéons des comédies françaises, il n'y en a pas des masses, même dans le registre un peu absurde. Et là, t'as chance, ce film, en fait. Voilà, finalement, la plupart des réactions de gens un peu divers, pas uniquement que des cinéphiles, hein, des gens qui voulaient passer un bon moment devant une comédie populaire, ça fonctionnait, ça marchait. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être que la distribution était au top à ce moment-là, peut-être qu'il y a une alchimie qui collait... ensemble, bout à bout, pour donner corps et âme à ce film, une existence. Ouais, ça match, mais t'as pas d'acteur où tu te dis, il a rien à foutre là. Non, Acier, il est génial. Chaque personne est à sa place, mais il y a son folie qui rentre en compte, quoi. Ouais, mais ouais, je pense qu'il y a un des facteurs à prendre en compte aussi, c'est que c'est un film de Eric Laven. Et oui. Eric Laven, on va pas se mentir, c'est pas un mauvais créateur de comédie. Les comédies, j'ai juste envie de vous dire. C'est quelqu'un à suivre depuis très longtemps. L'un des rares que j'avais pas vu d'ailleurs de lui. Par exemple, Barbecue, tu vois, même s'il y a Dubosc aussi dedans, mais Barbecue, c'est un feel good aussi. Bon, par contre, au niveau des titres, c'est pas ça. Hein. Ouais, non, parce qu'il y a Barbecue, et là, il y a la suite qui est en train de tourner, ça s'appelle Sans Chat. Si tout notre de Barbecue, on va appeler ça comment? Barbecue. Surtout qu'ils font pas tant, surtout qu'ils font même pas tant de Barbecue que ça. Riyad. Mais Eric Laven est un bon réal de comédie, donc je pense que ça joue aussi, parce que le gars fait que ça pour le coup, mais je trouve qu'il sait y faire. C'est-à-dire, c'est un bon faiseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait mettre en avant les personnages, les situations, les scènes, mettre en avant le rythmique, le tempo comique, parce qu'on dit souvent que le tempo comique c'est important, le ton entre le premier, le deuxième ou le troisième degré, tout dépend de l'état d'humeur où on regarde le film. Le côté pince sans rire aussi qui peuvent arriver parfois à des moments, le côté folie dans la fin avec Gérard Darmon qui nous chante une chanson, bon c'est très giga musique hein, mais ça reste du Darmon et je l'aime bien et ça s'emboîte assez bien par rapport à la fin, donc il y a pas de longueur, il y a pas vraiment de baisse de régime, il y en a forcément dans les films, mais là je trouve que ce film-là mérite vraiment une redécouverte. Voilà, regardez-le peut-être après Les Randonneurs, regardez après La Cité de la Peur, peut-être des comédies plus acides, plus acerbes, plus pince sans rire, mais honnêtement, moi, ça fait partie des films dans la liste que je le classerai bien et que je le regarderai avec grand plaisir. Je le mettrai dans une DVTech. Mais sinon, ne t'inquiète pas pour le son, remets le ventilateur, t'as l'air d'avoir super chaud là. Il est en train Il est en train de bouillir sur place. Non, mais on voit les gouttes descendre sur ton front, telles tes analyses. Je prends 3-4 douches dans la journée, hein. Je pense que c'est pour ça, j'ai fait le sport aussi, hein, donc... Ça ne nous regarde pas. Bon, tu mettras les photos sur Twitter. Quand tu avant, sport, avant après. Avant, après. Voilà. En parlant de prendre des douches, Jason, toi qui en prends souvent aussi. Bah, c'est la pire transition au monde, on est d'accord. Transition, quoi. Alors, mais par nous, contre, il laisse ses cheveux sécher tout seul. Regardez-moi cette chevelure. Et le shampoing 2 en 1 de chez Garnier. Ouais. On a des actions. Alors, tu as de la chance, Chris, parce que là, on est en crossover. Je ne vais pas t'attaquer. Oh, si, tu veux, hein. Tu peux, attends, vas-y. Non, la prochaine émission, c'est moi qui vais me venger, je te jure. mais votre émission, là, de là, mais je te jure, enfin, vous allez s'en passer. Ouais, parle pas des menaces, hein. Mais vas-y, parle-nous du film. De Speed 2. Allez, mon vieux Yannick, vas-y. Alors, non, mais Bienvenue à bord, moi j'aime bien. Franchement, j'avais complètement oublié qu'il y avait ce film-là dans la liste. Je l'aime bien, Bienvenue à bord. J'adore Darmon dans le film. Un peu moins, du boss, mais bon, à la limite, bon, il se complète pas mal les deux. Valérie Le Mercier est vraiment extra. J'aime bien, ouais. Même Philippe Lelouch, bon, j'ai un peu de mal habituellement avec ces rôles. Là, franchement, c'est bien écrit. Et en effet, c'est Eric Laven qui réalise. Eric Laven, c'est un mec adorable. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un mec super adorable. Et Pardon. Oh là là. Et donc, attends. Et donc, tu mets des cartons à Arthur alors qu'il dit des trucs intéressants et toi tu dis de la merde comme ça, tu n'hésites pas et c'est ça passe comme ça, vraiment. Mais le problème c'est que désolé. Vous êtes français, vous ne pouvez pas comprendre que c'était de l'art, que c'est de l'absurde et ça a fait rire énormément de gens. En tout cas, mon papa continue Jazz. Et on l'embrasse. On l'embrasse. Non, ouais, c'est vraiment un bon film. Je m'y attendais pas. Je l'avais regardé un peu. Il était passé sur M6. Je m'étais dit bon bah on va le regarder. J'avais regardé en fond et puis petit à petit, je me suis intéressé. Je trouvais que c'était vraiment sympa. C'est bien écrit. Eric Laven, voilà, c'est un bon faiseur du cinéma. Bon, en revanche, ne regardez pas Protéger et servir avec Admirad et Clovis Cornillac. C'est une merde. Parce que c'est pas ouf du tout. N'empêche, voilà. Regardez, j'ai voulu me tailler la veine. Pardon. Continue. Vraiment, ça fait deux fois là. Vraiment, c'est chiant. Ça l'a été fait exprès. Vas-y. Non, mais voilà, c'est un bon petit film. Si vous avez l'occasion, regardez-le. Vous allez passer un bon moment, même en famille. C'est vraiment vraiment sympa. Et même Lionel Astier est vraiment vraiment très bien dans le film. Ouais. Excellent, ouais. Mais c'est dommage qu'on ne le voit pas assez souvent et pourtant c'est un super comédien. Non mais c'est un super comédien mais après on va pas se mentir hein, pour moi là Lionel Astier il fait du Léo Dagan quasiment hein, c'est... Ah mais c'est la caution Kaamelott hein. Ouais mais enfin je pense qu'il pourrait sortir de ça. Bah maintenant c'est pas lui qui dessine non plus, enfin les gens quand ils écrivent et qu'ils ont l'acteur Oui, non, mais bien sûr, mais après, il est pas obligé de l'accepter, ce rôle aussi. Ben, c'est pas Alexandre, hein. Je crois qu'il joue beaucoup moins, il faut bien qu'il mange aussi. Non, je pense qu'il, non, il joue, il est... fait beaucoup de théâtre. On va relier ça avec Disco, mais il est dans une série avec Samuel Le Bihan, je crois, sur France 3. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Sur France 3. France 2. Ou France 2, peut-être. Ah, France 2. Enfin, mercredi soir, sur France 2. Il joue, et bien. Il y a 40 personnes qui regardent. Eh bien, ça, chers auditeurs, vous venez de connaître les mercredis soirs de Jazz. Mm. C'est cool ou pas? Et la chaîne qui regarde aussi. Eh ben oui, tout à fait, France 2, oui. Jazz, c'est tout, en fait. Du coup, c'est notre quotient. Jazz, tu aimes Astrid et Raphaël? Astrid et Raphaël? Ah non, sérieux? Personne n'a vu ça. Raphaël, c'est celui qui chante dans cette caravane. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez, on parle là-dessus. Je ne sais pas de quoi il parle. Je pense qu'il connaît Astrid Veillon, Extrême Limite. Non, c'est la bonne série. C'est la nouvelle série France 2 où il y a une flic qui est aidée par une autiste pour résoudre des crimes. J'avais vu un truc un vendredi soir aussi, mais le titre m'échappe. C'était quoi la thématique de ce vendredi soir-là? Les séries policières. Comique, vaguement basé sur un personnage comme HPI. Putain, avec t'as des thématiques vachement compliquées. Le vendredi soir, faut toujours. C'est ça, cette semaine, je vais regarder des trucs. Putain, vas-y pour te faire. Dans mes souvenirs, le vendredi soir, donc demain, c'est acteur avec une chemise blanche un peu délavée. Et tu vas te regarder trois. Ça peut donner une bonne série, une bonne. Je pense que les vendredis, c'est vraiment soirée polar, mais avec Captain Marlowe, je crois qu'il est passé de France 3 à France 2. Ben moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Clégo. Eh ben, je l'ai pas vu. Attends, eh ben, regarde Cinéman le matin, mais t'as pas vu ça. J'ai demandé la liste des films, tu me l'as pas donné. C'est parce qu'il voulait que tu te fasses toute l'intégrale des films de Franck Dubosc. Oui, je suis pas fou. Il a fait tous les Ghostbusters. Bon, à mon avis, ils font Bienvenue à bord. J'ai vu hier celui-là que j'ai pas. Il a vu tous les films. Le pauvre, il fait. À nous les garçons, je pensais qu'on en parlait. Le pauvre, il a regardé Le Marquis. Non, j'en ai regardé que deux. J'ai regardé que Disco au cinéma. Il a vu Fiston. J'ai regardé un sketch tout à l'heure et à un moment il fait une truc, tu vois, il prend une fille en stop là dans son sketch et puis il fait « Tu l'aimes ma bagnole ?»« Ah, elle suce, hein. » Et toi ?» Du grand Dubosc dans le texte. Voiture. Putain, putain, gros humour de pauvre. Oui, c'est pas possible. Si vous allez voir un spectacle de Franck Dubosc, un conseil, ne vous mettez pas dans le parterre, mettez-vous au premier étage. Parce que si vous allez dans le parterre, vous êtes sûr de monter sur une scène à un moment ou un autre et vous allez vous faire draguer. Donc, conseil, n'allez pas dans le parterre parce que dans tous ces spectacles, il fait monter la moitié du public. Alors, visiblement, c'est expérience vécue. Non, pas expérience vécue, mais expérience de conseil. Genre, je m'étais dit, bon, déjà, j'ai pas prévu d'aller voir Franck Dubosc en spectacle, mais en plus, je sais que je paierai pas le plein prix pour être au premier rang, quoi. Et tu peux quitter la scène. Mais on a quelqu'un ici qui a rencontré souvent Franck Dubosc. Oh, oui. C'est notre ami de jazz. Oui. Je lui ai même foutu un vent. Bravo. Merci. Incroyable. Tu l'as tous vendu. Très bien. Ouais, je l'ai rencontré durant mon époque de journaliste bénévole à Bordeaux, et c'était en 2014 pour l'avant-première de Fiston. Donc c'est la première fois que je voyais, c'était le bordel, Énergie Bordeaux préparait l'avant-première, il y avait Kev Adams qui était là. Kev Adams qui est vraiment la plus grande ordure de tous les temps. C'est étonnant. J'ai une anecdote qui est assez dingue, c'est en fait il y avait une fille qui voulait se prendre en photo avec lui, et en fait parce que la fille ne lui plaisait pas, il lui dit ah non je peux pas, j'ai mes attachés de presse qui veulent pas que je prenne en photo avec toi. Et en fait une autre fille qui était plutôt mignonne, il dit oh, tiens et si on se prenait en photo tous les deux. Ah d'accord. Donc voilà. Même d'ailleurs. Attends, je te coupe deux secondes, je passe un petit message. Kev Adams, tu as un gros sac à merde. Voilà, c'est en cul, Kev Adams. De la carrière en pente descendante de Kev Adams. Ah oui, ah, non, mais... oui. Il finit sur Fun Radio actuellement. Ah non, mais c'est un truc parce que Kev Adams en fait coupait la parole à chaque fois de Franck Dubosc pendant l'interview. C'était assez fou, et même Franck Dubosc en avait un peu ras-le-bol. Et tout le monde était sur Kev Adams. Et moi j'arrive, je vais voir Franck Dubosc, et donc il y avait deux caméramans qui filmaient, et je lui disais bon bah voilà, dis que vous êtes voilà sur Movie City. Alors il fait ouais d'accord, ok, je vais le dire. Donc il était super content parce que personne n'allait le voir. Et donc, une fois qu'il l'a dit, bah moi je me suis barré. Et dans les rushs de la vidéo, ce qui est énorme, c'est que je dis bah merci, je me barre, et en fait on voit Franck Dubosc voulant me serrer la main, et puis en fait il se retourne, il fait bon bah tant pis. Mais t'es sérieux, quoi. Je veux voir cette vidéo, si tu l'as, envoie-la et je la mets sur Twitter. Bonne réaction. Ah ouais, tu nous envoies la vidéo, mais oh là là, incroyable. Non, je veux voir ça. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était pour Bis avec Admirade. C'est le mec qui m'a mis un vent, c'est lui qui t'en a mis un, c'est ça? Et du coup, en fait, là, c'était c'était dans un hôtel à Bordeaux. Et c'était pour, en fait, il commençait à voir le tournage des Visiteurs. Le mec s'est énervé en pleine interview. parce qu'il y a un journaliste, il faut dire aussi que les journalistes à Bordeaux, journalistes ciné à Bordeaux, en fait, leur cinématographie, leur cinéphilie s'arrête aux Bronzés Fonds du Ski. Et donc, du coup, le mec, il fait ça, il fait « Alors, les visiteurs 3A, vous jouez quel rôle ?» Dubosc, qui était super relax pendant toute l'interview, et là, il s'est fermé, il fait « Bon, je vais pas le répéter, je ne dirai rien sur les visiteurs, c'est pas la première fois qu'on me le dit, ça commence à me saouler, là. » Et là, ça a été le malaise total. Total, mais les gens, en fait, les journalistes n'osaient plus trop lui poser de questions. Et je crois qu'après, un peu plus tard, ça s'est terminé, mais genre, 5 minutes après, vous avez des questions? Non, bon, allez, il est parti. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, merci pour ces anecdotes. Voilà. T'aurais pu l'ajouter ici, tant qu'on y était. Enfin, tu as l'air de bien le connaître. Francky, viens, on va se foutre de ta gueule pendant 3 heures. Viens. Bah, il avait dit oui jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il y avait Culture Ims. Parce qu'il sait qu'il peut pas rivaliser. Donc voilà, c'est sûrement ça. Niveau beaufri, vous êtes... on va demander à Clégo. Ah, mais non, tu l'as pas vu, tu me l'as dit. Pardon, Clégo. Ne me regarde pas. Ah, mais tu sais, c'est un métier de faire du podcast, hein. Ne regarde pas comme ça. Il faut suivre un peu. Est-ce que Flonny est encore là? Non, il est parti. Il est parti. Part, oui, il dit même pas au revoir, il se casse. Non, parce que c'est un gros fils de pute. Bah, clairement. Et j'espère qu'il lâchez-vous, a une émission. Lâchez-vous, c'est le moment. Lâchez-vous, il est plus là, hein. Vraiment. C'est hein. Une sombre merde. À l'image de Cinéman. Pour moi, personnellement, Flonny, Cinéman, Kev Adams, même truc. On les a jamais vus au même endroit. C'est le Yann Moix du podcast. Hein. J'imagine même pas la rencontre. Là, si tu manges la merde, tu chies Flonny. Oh Flonny, tu reviens. Bah écoute, oui, on parlait de toi gentiment. Et voilà, il a dit son nom, j'entends Flamby. Et je pense à votre ancien président là. Qui? Je vois pas. Notre ami Hollande. Qui ça? Ben, c'est un gars qui était chez vous, qui était vraiment, pas. Ben oui, il était complètement invisible. Qui a eu son BSR d'ailleurs, on l'embrasse. Et il a eu 16 sur 20, pas dégueu, hein, vraiment. Non. Il a été recalé sur Parcoursup. Et sinon, j'aimerais quand même l'avis de Clégo pour ce film. Le running gag. Il va marteler, je pense, assez souvent. Est-ce que tu peux nous donner l'avis? Clégo, ton avis sur ta casquette? C'est vrai que ton mug. Très bien, écoute, je suis ravi d'avoir un cul sur la tête. Mais tu sais, voilà, ici, le rond, là, ça fait une cible, en fait. Voilà, non, mais tu vois, c'est pour ça qu'on fait des casquettes. Pour entendre des phrases comme ça, vraiment. Il nous la recommande, à mon avis. Ah, complètement. Ah, le prochain crossover avec nous, tu auras vraiment... Belle casquette, je te promets, mais ce sera pour l'année prochaine, hein. On n'a pas d'argent. Quand ils auront fait le logo et tout, c'est... Totalement en tissu, par contre, hein. Nous, on ne voit pas du 50% tissu. Hein. Elle est confort ou pas, Clégo? Non, elle est pas mal. Ok. Incroyable. En plus, si je peux me permettre, Clégo, avec tes petites lunettes d'Iron Man, là, mec, c'est incroyable. On dirait Bruce Willis. Incroyable. C'est un bon actionneur des années 90. Là, on est vraiment dans la bonne panoplie. Et comme j'avais dit en off, il a même la barbe aux couleurs de votre émission. Oui. Ça, c'est top. Je le dis, je le redis, hein, le clé, c'est le S. Hein. Eh oui, avoir un cul sur la tête. Il y a toi qui pouvais aujourd'hui. Les gars, je crois qu'il y a un film, on va rigoler. Les Seigneurs. Parce que pour le moment, on rigole pas trop. Hein. Ouais, non, mais ce film-là... Non, c'est assez sérieux, là, pour le moment. C'est... Donc, avant de passer au Seigneur, j'aimerais bien avoir l'avis de Clégo sur Bienvenue à bord. Ah, la lourdeur du running gag, putain. De ne pas avoir vu. Donc, Olivier Dahan, en 2012, a sorti un film qui s'appelle Les Seigneurs, avec José Garcia, Jean-Pierre Marais, Gad Elmaleh, Omar Sy, Ramzy et Joe Starr. Je ne sais pas quoi penser de ce film, tellement il est zarbi. Je vais demander à notre ami Florent ce qu'il a pensé des Seigneurs. D'abord, fais-nous un petit speech avec les noms des joueurs et tout. Ah ouais, avec les prénoms des joueurs, bah c'est des joueurs de foot, des joueurs qui, tu sais, le truc avec le ballon rond, à la fin c'est la Belgique qui perd. Ça me dit quelque chose. Oui. La première, la Belgique est première. Sur une tête d'Omtiti. Hein. Oui. Mais voilà, du coup c'est une équipe, enfin c'est d'anciennes gloires du foot qui viennent sauver une petite équipe obscure en Coupe de France, qui doit sauver une usine de poissons, hein, parce que ça se passe en Bretagne. Sardine. Ouais, une usine de sardines, et puis voilà quoi, il va leur arriver des trucs, et est-ce qu'ils vont aller en finale de la Coupe de France? Peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont rencontrer l'OM? Oui, voilà, ça je spoil, ils vont rencontrer l'OM. Mais comment ça va se finir? C'est là tout le mystère, j'ai envie de vous dire. Ils perdent, mais bon, je spoil encore. Ah oui, non, ils perdent, c'est la PSG. Voilà, oui, ils perdent, oui. C'est clairement... Ils sont Neymar et son PSG. Oui, voilà, donc José Garcia, qui était un ancien grand joueur de foot, mais qui a frappé un arbitre, se retrouve entraîneur de Modène, sur une petite île en Bretagne, et il fait venir des anciennes gloires du foot. Tu vois, ça c'est un business. Tu vois la différence entre un professionnel et un déconneur comme toi. Il doit aller, j'ai pas besoin et de il fait venir des anciennes gloires du foot super intelligentes et super impliquées pour sauver... ou la poissonnerie, voilà, comme tu l'as dit. Ouf, je sais pas quoi penser de ce film. Greg, tu l'as vu, Les Seigneurs? Ouais, j'ai vu. Parle-nous un peu des Seigneurs. Bah, les Seigneurs, c'est... moi, je sais pas quoi vraiment penser non plus, parce que je me suis pas ennuyé durant le film, mais je l'ai pas vraiment pas trouvé ouf, parce que, en fait, ça part d'une bonne histoire. On se dit... Et en fait, ça, à la limite... Ça pourrait se passer dans l'excès, mais ça pourrait se passer. C'est-à-dire des anciennes gloires du foot qui sont rappelées, qui se retrouvent et qui vont aider un tout petit club. Pourquoi pas? Sachant qu'en plus, là, le foot serait au service pour protéger, pour permettre finalement aux locaux de Lille de garder leur entreprise de sardines. Bon, on est dans l'excès, pourquoi pas, mais on a envie d'y croire. On se projette un peu. Moi, je trouve quand même que José Garcia est pas mauvais dans le film. Par contre, ce que je trouve mauvais, c'est les joueurs. Gad Elmaleh, par exemple. Alors, par contre, on n'est pas tellement dans l'excès, parce que c'est comme ça que ça se passe vraiment en Coupe de France. C'est les clubs se partagent les gains du stade, et du coup, effectivement, si le club va faire un match contre l'OM, effectivement, ils vont gagner des thunes. Donc, pour moi, c'est bien pas sûr, si excessif que ça. Là où je dis qu'on est dans l'excès, c'est de rappeler. Ah oui, de rappeler d'anciens joueurs de l'équipe de France pour une équipe de merde, vraiment. C'est... bah, en fait, c'est même il y a un joueur qui s'appelle Le Pen. En fait. Ils sont non, c'est Le Pénis. Bateau pour y aller, quoi. Enfin. Ouais, c'est la diminutive de Le Pénis. C'est con, mais ça m'a fait rire, cette vanne. Enfin, voilà, moi, je trouve quand même que c'est... voilà, on est dans l'excès, mais effectivement, tu as raison, avec les droits TV, etc., ça permet à des clubs de racheter du matériel, d'agrandir le staff, tout ça. Et là, c'est dans ça qu'on peut à la limite y croire. Par contre, je trouve que José Garcia, pourquoi pas, je le trouve en plus pas trop mauvais dans le film. Il est souvent cool, là, José Garcia. Bah oui, puis là, il joue bien le mec qui est H24 bourré, qui essaie d'arrêter de boire, qui est dans une phase un peu de aussi bien de rédemption que de récupération de son statut, de son prestige. C'est très compliqué. Et je trouve qu'il est pas mauvais. C'est peut-être parce que du coup il joue aucun rôle, non? Ben, c'est le seul mec sérieux en fait dans le film. C'est en ça. Fait, avant l'arrivée des c'est autres, ça, en fait. C'est presque sérieux. En ouais, fait. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Ben ouais. Mais c'est pour ça. Par contre, les autres, les acteurs, donc les footeux, hein, donc Gad Elmaleh, Omar Sy, Ramzy Bedia, Franck Dubosc. Alors, j'ai pas compris Franck Dubosc. Franck Dubosc, il est absent durant tout le film, quasiment. Le mec, il arrive à la Franck Dubosc. Le mec, il arrive en star, on va pas dire beauf, mais là, limite, il se prend complètement pas, beauf, une merde, complètement quoi. Complètement mais, con. Donc, voilà, il arrive en star, sa façon de descendre les escaliers du bateau, absolument génial. Et puis l'autre qui lui dit, bah en fait, je l'ai rappelé, mais en fait, je te dis que je suis Monsieur Tonquédec, je crois, un truc comme ça, un grand dramaturge qui l'a engagé, alors qu'en fait, ils ont essayé de le faire revenir sur l'île juste pour pouvoir jouer au foot. Et je trouve Dubosc foncièrement mauvais dans le film, parce que je trouve qu'il est pas bon, quoi, dans ce rôle-là. Mais de toute façon, c'est un peu à l'image des autres joueurs. Par contre, il y a une petite anecdote, c'est que quand il tire sur le terrain, ce qui donc ça a été filmé sur le terrain, quand il tire, c'est vraiment eux qui tirent. Et en fait, ils ont dit que le truc, si. Et le truc, c'est que il y a des, ils ont mis énormément de temps des fois. Ils ont dû tirer un certain nombre de fois pour avoir vraiment le tir qu'il fallait pour le garder dans le film. Mais j'y crois pas vraiment. T'es en train de me dire que quand il joue contre je sais plus qui, tu sais qu'il y a plus de public là. Quand il met le bon coup franc en pleine lucarne, tu crois c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça, ce que tu dis là, c'est ils l'ont tiré énormément de fois. Et d'ailleurs, ça a été manifestement aussi un peu truqué parce que il fallait que le gardien ne réagisse pas face à ça. Et en fait, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo quand même parce que dans le film, on se dit. Enfin, quand on le regarde d'une traite, d'ailleurs, les parties de match de foot sont extrêmement mal filmées, c'est très mal monté. Le match contre Marseille, à la limite, je m'attendais quand même à un truc. C'est super mal filmé, on ne voit rien du tout, et surtout la fameuse ellipse où on a la mi-temps entre les deux. On dit, il y a juste le commentateur qui dit, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Ah bon? À quel moment, tu sais? T'es en plein milieu du match. Mais j'ai rien loupé du film pourtant. Je comprends pas vraiment, c'est quoi ça? Exactement ça. En fait, c'est mal monté, c'est mal fait. Tu te repères pas. Quand t'aimes le foot, tu te repères un peu. Et là, pas du tout, en fait. Et d'ailleurs, c'est même pas un film de foot parce que les séquences de foot sont super mal filmées. C'est mauvais. Mais peu importe. Par contre, effectivement, il disait que c'est ce qui était assez drôle, c'est qu'ils ont mis énormément de temps à filmer les parties de foot parce que quand ils tirent, c'est vraiment eux. Sauf que le problème, c'est qu'ils tiraient très mal, ils jouaient très très mal au foot. Et ils ont eu beaucoup ils ont mis beaucoup de temps à monter, en fait, après. Parce qu'ils avaient tellement d'images et tellement de bouts de scène qu'il fallait tout mettre à la fin pour que ça fasse un vrai match de foot. C'est pour ça que c'est très mal monté, d'ailleurs. Mais bon. Enfin, pour revenir au film, globalement, c'est pas un grand film. On s'amuse un peu, mais c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Et puis Dubosc, pour revenir sur Dubosc, qui est quand même foncièrement mauvais dans le film. Donc voilà. Par contre, j'ai apprécié José Garcia. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que, à part Omar Sy, ils ont tous un nom italien, quoi. Olivier Dahan, il s'est dit, tiens, je vais faire un film sur le foot, qui sont forts? Les Italiens sont forts. Donc, on a Orbera, Leandri, Ziani, Marandella, Berda. Donc, Joe Star, c'est Berda, quoi. Et Ramzi, c'est Marandella. Ils ont tous un nom italien, quoi. Ça fait très Tortue Ninja dans l'esprit, hein. C'est la caricature d'être Tortue Ninja. Nom de pizza. Oui, merci, je vais prendre une Marandella, s'il vous plaît. Je prends une Léandrie avec la petite sauce. J'avoue que ça passe bien. Ça passe bien. Heureusement. Avec la petite sauce Leguenec. Mais Gad Elmaleh, quoi, c'est Ziani. C'est vraiment le nom que tu aurais vu, l'attaquant italien Ziani. Enfin. Mais il a le physique pour, hein. Le Fodi avec ses cheveux, là, mais alors. Qu'est-ce qui m'a énervé, Gad Elmaleh dans le film? Qu'est-ce qui m'a saoulé? Insupportable, il est insupportable dans ce film. Ouais, il est insupportable. C'est jeune. Ouais, c'était un mec, c'était censé être une vedette du foot, c'était un des plus grands joueurs du monde. Et putain, qu'est-ce qu'il est casse-couillon. Il est con comme la lune, il tremble, il veut jouer à PlayStation. Enfin, non, qu'est-ce que c'était nul. Juste, rajoute juste une petite chose. Celle qui joue dans le bar, qui tient le bar, la propriétaire, s'appelle Chantal Neuwitz. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une comédienne de la troupe de Jean-Michel Ribes. Donc, je l'aime énormément. Je suis un grand fan de Jean-Michel Ribes et de ses pièces de théâtre. Et elle est juste géniale. Et dans le film, on voit pas qui c'est, mais on l'embrasse. On sait qui nous écoute. Francis Iban. Tout à fait. C'est le frère de Francis Iban. Voilà. Bah, en fait, Greg pourrait dire n'importe quoi, tu vois, à ce moment-là. Et voyez, l'acteur, quand Dubosc qui joue, il vient de la troupe de Jean-Charles Mouti. Et franchement, c'est le créateur de Palace et des Brefs de Comptoir. Mais regardez les films de Jean-Michel Ribes et surtout les pièces de théâtre, et Chantal Lerouis, elle est souvent dedans et je l'adore. Greg, ça, c'est quand tu parles avec des personnes qui n'ont pas de culture, qui ne connaissent pas Jean-Michel Ribes, bien évidemment. À un moment donné, faut arrêter, là. C'est qu'on n'a pas reconnu parce que nous on l'appelle JMR, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Jimereux. Non mais par chance dans le film il y a quand même le Saint Graal, c'est-à-dire le comte de Bouderbala, qui quand même revient rehausser le casting et qu'on sent qu'il. Pêcheur, ouais. Puis mais voilà, écoute, c'est une pensée pour son seul et dernier film, quoi. Petit ange parti trop tôt. Avec les conditions de tournage, tout simplement. Oui, il a dû se faire un petit carnet d'adresses, quoi. Ouais, mais il est cool dans le film, je trouve. Il joue vraiment le mec de village. Ah oui, bah il est très drôle. Il est très très drôle justement parce que son personnage, l'évolution de son personnage est très drôle parce que il fait le mec de village et il devient au bout de quelques scènes, tu vois qu'il est, il commence à se gominer les cheveux, à mettre la petite boucle d'oreille sur avec le gros diamant. Moi, je me souviens de ça. Je trouvais que l'évolution de ce personnage était très drôle parce que le mec part en vrille complet alors qu'ils ont juste gagné deux matchs. Moi, j'avais beaucoup rire. C'est ça. Moi, j'adore, c'est quand on l'interview pour la télé et il est là en train de remplir ses filets à poisson et puis. Quoi, il y a eu des offres? Ouais, il y a le Bayern Munich, mais c'est trop loin. C'est con. Moi, j'adore. Le mec, il est sympa, quoi. Eh ben, on va demander l'avis de Clégo. Tu l'as vu, celui-là, Clégo? Ah ben, il est aussi bien que celui d'avant, dans la catégorie de ceux que j'ai pas vu. Bon, bah, si tu nous donnes pas ton avis sur les seniors, Clégo, donne-nous ton avis sur Bienvenue à bord. Voilà. Ah ben, il est aussi bien que les seniors. Non, pour info, que ce soit Arthur ou Clégo, donc, ils sont venus en tant que spectateurs qui interviennent et on ne leur a pas donné de liste, donc s'ils n'ont pas vu, contrairement à des Grecs par exemple qui n'ont pas vu les films, ils ont une excuse. Mais je crois que Arthur veut intervenir. Et c'est bien, il lève le doigt, il ne coupe pas les gens. Il y a une évolution chez Arthur pendant le podcast. Mais il a peur de se prendre le carton rouge. On voit un nouvel Arthur aujourd'hui. Métamorphose. Voilà. Alors. Le film, je l'ai appris en mal par rapport à une séquence télé assez mémorable qui est devenue assez récurrente dans les compilations YouTube des Clash TV, slash semi-bagarre, etc. C'était pendant la promotion en Belgique des Seigneurs avec Gad Elmaleh et Joey Starr. C'était l'année passée. Voilà, c'était durant le JT du soir sur RTL TVI et c'est devenu, on va dire, une séquence... Voilà, qui a desservi un peu le film parce que bah Joey Starr était tout simplement gérable durant la séquence. Le présentateur télé a dû l'interrompre de nombreux fois, dû le recadrer. Et vous l'avez frappé le présentateur télé, non? J'ai même pas vu ça. Mais comment? Disons que c'était une séquence qui a fait beaucoup le zapping en France, en Belgique et dans les compilations YouTube. C'est-à-dire que bah il était tellement discipliné sur le plateau. Alors je sais pas s'il était sous, on sait pas s'il était dans un mauvais état. Joey Starr? Attends, je comprends pas. Joey Starr, ingérable. Enfin, c'est une autre personne. Mais en tout cas, ça a passé une très mauvaise ambiance sur le plateau. Après coup, retour antenne après la bande annonce, bah ça s'est très mal passé. Le présentateur l'a recadré, puis ça donnait absolument pas une bonne impression pour aller voir le film. Et c'est dans mon cercle d'amis, on voulait pas te voir. Tout simplement. En fait, en Belgique, vraiment, il n'a pas fait que celle-là, Joey Starr. Je me rappelle au moment où il est venu, il a été. Il prenait les baisses de haut, en fait. Ah, à mon avis, le mec, il était sous influence, il pensait plus qu'il était en train de vendre un film. Et il prenait les baisses, il les prenait vraiment pour des cons. Et il a été, pendant plusieurs jours, il a été vraiment détestable et le film s'est planté en Belgique à cause de ça. C'est la réception justement en Belgique. J'ai eu un écho par rapport à d'autres émissions que j'écoute de la RTBF et tout ça, c'est que ça donne la température d'un film ou la bonne appréciation d'un film et que là, visiblement, il n'aurait pas dû faire ça et s'est planté, même pour les spectateurs qui appréciaient peut-être Gad Elmaleh ou José Garcia. J'aime beaucoup José Garcia. Donc je vais le voir après coup pour ce film-là, mais c'est vrai que dès que tu te fais une thématique football, bière, pêche et Le Pen, tu pourras regarder le film. Yes, c'est dans trois semaines que tu l'as en premier lieu. Pour le reste, on verra. Mais en tout cas, ouais, le côté incident d'antenne à la télé a donné une forte incidence. Mais on va prendre Guillaume qui a vu. Est-ce que c'est pas un problème de com ça? Parce que envoyer Joey Starr, on sait comment il est, l'envoyer dans un pays étranger où il peut faire de la merde, donc l'envoyer lui en promo, je trouve ça un peu débile. Mais Gad Elmaleh qui essaie de le recadrer à chaque fois à côté, mais qui n'y arrive pas. Ouais, Gad Elmaleh, on voit qu'il est hyper mal à l'aise. Il jouait bien quand même, enfin, il faisait bien Gad Elmaleh, a essayé plusieurs fois de le calmer, mais c'était mort, quoi. De toute façon, tu prends Joey Starr pour un film. Tu sais à quoi t'attendre. Enfin, mais tu l'envoies pas sur les plateaux pour faire de la com, je suis désolé. J'allais envoyer José Garcia. Ça peut être vendeur, hein. Je veux dire, il peut faire des bad buzz vendeurs, en fait. Ouais, mais là, c'est il a tout, fait tout rien. Alors que le film Bad Buzz, Bah voilà. Ah bah oui. Voilà. Bah comme Buffy s'est planté. Les clés de bagnole. Ouais, mais Buffy disait tout le temps n'y allez pas, c'est de la merde. Il a réussi. Ouais, pourtant Jean-Marie Bigard avec l'âme sœur hein. Oui. Ouais, c'est clair. Le missionnaire. Il a hypothéqué sa maison le mec. Quel con. Ouais, ouais. Scène avec Patrick Sébastien pendant qu'on fait la liste des plus mauvaises expériences cinématographiques. Ouais, mais bon, ils sont pas tous retrouvés complotistes comme Bigard, quoi. Oui, non, c'est juste vrai. Qu'on parle de lui. Non, mais il a raison. On va pas faire le débat ici, quoi. Jazz. J'ai le t-shirt, allez tous vous faire enculer. Il était à 47€ sur sa boutique, moi j'ai pas hésité. Bah, c'est toujours moins cher qu'un truc Culture Ims, donc Clégo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis en plus, avec Jean-Marie Bigard, on sait là où va l'argent. Là, avec Jean-Marie, on sait où va l'argent, parce qu'avec nous, il y a des doutes. C'est très bancal. C'est ça, quand l'autre il parle de ce jacuzzi. Si ça se trouve, c'est pas. Donc, il faut savoir que Florent, derrière lui, on voit une photo de Dubosc en slip. Et c'est le vrai. Donc, normalement, c'est les fonds d'écran Skype. Mais si ça se trouve, avec tout le pognon qui se fait en vendant ses casquettes et ses trucs, ils sont quand même fait 42€ l'année passée. Ça fait une photo géante. Ça a payé l'affiche. Non, j'ai payé Franck Dubosc pour qu'il fasse la statue derrière et moi. Il reste derrière. Ouais, et il attend. Il attend en slop pour aller dans le jacuzzi, en fait. C'est tout, hein. Parce que je lui ai promis. Que la statue est en mort. En fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Où les gens se prennent en photo devant. En fait, c'est en fait, ça, c'est exactement ça. Il a été la chercher. C'est beaucoup. Le mec, il est au camping. Il est devant. On a vendu une casquette à Clédo. À Clégo, je vais acheter votre truc. C'est ça, en fait. On a réussi à voler la statue du camping à Arcachon. Sauf que du coup, on a dû payer le vrai Franck Dubosc pour se mettre à la place de la statue à Arcachon. Enfin, bref. Mais c'est parce que Greg déménage. Sinon, derrière lui, il y a l'affiche Marligon. Tu vois. Ah merde. Ouais, elle est déjà dans le nouvel appart. Bon, on va écouter l'avis de Jason sur le Seigneur. Alors, je suis allé voir au cinéma. J'ai payé 8 balles. Non. Ouais. Putain, voilà. Mais toi, décidément, tu te fais enculer. C'est pour ça qu'il reste une pièce de 2 euros maintenant. Ouais. On l'appelle Carglass dans le métier. Il fait des contrôles techniques, c'est pour ça. Il avait un appel la saucisse. Dis-nous si ces 8 euros étaient bien dépensés ou pas. Non, du tout. Rassure-moi, c'est pour 8 euros, c'était du 4D. Mais toujours en odorama, je te jure que quand ils sont dans le bateau et qu'ils vomissent. tu reçois le vomi de. Allez, la 4D est impressionnante. Voyez-le en 4D. Franchement, la 4D vaut le coup au moment où il vomit. L'odeur du vomi à s'y méprendre. Franchement, c'est génial. J'ai deux. Plus vous là, ça tremble. Ce film est une vraie merde. Mais dans quel sens? C'est-à-dire pire que cinéma ou vraiment en dessous? Non. Bah comme tu y vas. Cinéma, c'est de la grosse merde, tu vois. C'est ça, vraiment, c'est une grosse comédie. Je vais aux toilettes, je chie une bouse, c'est ça, c'est cinéma. Le Seigneur, ça va, tu vois. C'est de la merde, mais ça passe. C'est goûtu, quoi. Vas-y, continue. Tu as été au cinéma, donc raconte-nous ton expérience. À New York, il a été à New York pour New York au cinéma. En avant-première. Dans la catégorie film du monde entier. Il a été voir The Seigneur. The Seigneur. The Lord. Du bois. José Garcia. Ramsey. Et Joe Estar. C'est le nom du rêve. Et ouais. Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre Marielle. Vous savez, c'est le gars qui meurt au bout de 30 secondes dans le Da Vinci Code. Oui, c'est ça. Et il meurt pas dans c'est pas lui dans 2012 aussi qui meurt. Bon, il est en petite forme en ce moment. Ouais, c'est pas. Il est bien mort. Hein. Oui, c'était une drôle de composition. On sait qu'ils nous écoutent. Ils n'ont pas en 2022, ils ont dit un mec qui meurt. Si tu les écoutes, Jean-Pierre, on t'aime. On t'aime, on t'embrasse, on t'embrasse. Et on va la sauver, cette poissonnerie. Et bisous à Paul Walker. Là, j'ai chaud. Hein. Alors, revenons sur Jason pour parler de l'expérience ciné. Non, mais en général, quand on parle de Paul Walker, Jason, il perd ses moyens. Non, c'est bon, là, c'est long. Je suis préparé mentalement. Pour rattacher les wagons. Voilà. Oui, je peux rattacher les wagons. Les seigneurs, José Garcia est vraiment bien. Honnêtement, hein, j'aime bien José Garcia dans le film, mais le reste du casting, mais il est épouvantable. Voilà. Alors j'avais complètement oublié qu'il y avait Omar Sy dans le film. Parce que c'est le seul qui n'exagère pas, en fait. Si, il joue, oui, ouais, il joue un mec, Lilian Thuram, tranquille. Ouais, c'est ça. Limite presque bien, tu vois. Ouais non mais et alors le pire c'est vraiment le réalisateur, le mec il est passé des River Poop 2 avec les Yamakasi la môme, le grand écart. La môme il s'est dit bon alors les mecs on a été nommés aux Oscars et j'ai eu un César, je vais faire une grosse merde, je vais faire les seigneurs. C'est réussi, hein. Paris réussi, ah oui, le alors, projet il fait 2 millions. Ah oui, il a fait 2 millions d'entrées, et c'est vrai ce que Greg disait, parce que dans le making-of, Olivier Dahan... sinon ça faisait 1 999 999. C'est vraiment toi. Grâce à toi, il a fait paf, 2 millions. 2 millions, et ouais, c'est vrai. J'ai même pas eu de récompense. C'est pour ça que j'ai foutu un vent à Franck Dubosc. Salaud. Salaud. Mais non, ce que disait Greg, c'est entièrement juste, c'est-à-dire que Olivier Dahan dans le making of, il disait que il voulait vraiment que les scènes de football soient réalistes. Donc il entraînait les joueurs les acteurs à tirer sur le ballon. Et avec des fusils à pompe. Des bazookas. Ah ouais, je peux te dire, les sardines, elles ont été vite pêchées. Hein. Tu fais ça, ils tirent sur des bébés singes en général. Une véritable boucherie. Ils ont failli renommer le truc le commando, tu sais. Ils ont appelé ça les seigneurs, mais c'est AI, tu vois, les seigneurs. Ah oui. Les adversaires, ils ont ramassé. Tu vois. Mais et du coup à un moment donné c'était sur Téléfoot, le mec il était trop content, il fait comme ça, il fait ouais là on est en train de réaliser une scène avec Franck Dubosc et Franck Dubosc doit faire une tête plongeante et met le but, et il y avait un trampoline et en fait on voyait Franck Dubosc, il se viandait à chaque fois, il arrivait pas à trouver le ballon. Et là on voit la décomposition de Olivier Dahan qui va voir son technicien, il fait c'est pas possible là pour Franck Dubosc, il peut pas toucher le ballon, et il fait non mais on va essayer, t'inquiète pas, on va essayer. Et donc on voit le petit sourire d'Olivier Dahan, et puis à la fin Olivier Dahan il fait bon on va mettre une image de synthèse, hein, on mettra un fond vert et puis on va tenir des mains. Ça passe. Crème. Non mais le film en soi, voilà, c'est une comédie, c'est un Expendables de l'humour français bas de gamme. La référence Expendables. Ah ben je fais une petite référence à Culturisme qui a fait une émission sur Expendables. Exact. C'est toujours pas le dire. Oui non mais par contre c'est toujours pas dire le nom de l'émission, mais c'est pas grave. Les commandos, ça va. Culturisme, voilà. Rims. D'ailleurs je tiens à rappeler une chose. Pourquoi Jet Li s'en va dans Expendables 2 et on le revoit après dans Expendables 3? En fait, il était malade. Donc là, vous êtes foutu d'un mec qui était malade. Donc ça, c'est pas bien. C'est pas grave. Bon. Non, on a les gars. Là, vous venez de perdre toute crédibilité. Arrêtez de faire du podcast. Bon, non. Ah non, ça va pas m'arrêter, non. Au contraire. Ils ont de la réserve, la bouteille. Hein. Ouais. Et vous savez pourquoi Jean-Pierre Marielle n'est pas venu dans Les Seigneurs 2? C'est parce qu'il est mort. Mais bien mort. Est-ce qu'il y avait intérêt à faire un deuxième volet? Mais je crois qu'il était prévu. Sérieux? Ouais, je crois qu'il y avait tous rappelés. Alors vraiment, si c'est pour dire des trucs comme ça, Jess, c'est pas la peine, hein. Vraiment. Hein. Et le coronavirus pour l'Euro, l'équipe de France a rappelé Léandri, Orbeta et toute la bande pour les aider en Russie. Non, mais ouais. Mais le film, voilà, il est pas terrible. Il y a des gags. Enfin, il y a certains gags qui sont sympas, hein, avec le compte de Bordibala qui est plutôt cool, mais après on tombe vraiment dans la blague facile. Gad Elmaleh est insupportable. Le mec il arrête pas de tirer son t-shirt en disant PlayStation, franchement une fois ça peut être marrant, Après, le passage où il jongle. Oui. Tu sais, c'est horrible, c'est mal fait. Ah bah. C'est la gueule qui fait tout. Mais enfin, c'est horrible, c'est vraiment, tu vois qu'il y a un mec en dessous en train de lancer la balle. Non, quoi. Non, à petite anecdote, je sais pas si tu le sais, mais en fait, Cameron, il s'est inspiré de ça pour faire Avatar derrière. Bah, on le sait. On l'avait vu, on l'avait remarqué que c'était la même patte. Mais c'est la différence entre Daron et un génie, tu vois. Voilà, Cameron, on voit moins les effets spéciaux, tu vois. Ah, bah, de toute façon, quand tu passes de la môme au seigneur, t'es un génie, hein. C'est sûr et certain. Donc, non, franchement, c'est pas terrible. On passe son chemin. Voilà. Ça vaut pas la peine. Ah, ok. Oh, waouh. Il a coupé comme ça. Dans ta gueule. C'est allez, bah, écoutez, c'est voilà, on va remballer le micro. J'étais à 30 minutes de mon micro, là. Ça vaut pas la peine, quoi. J'aurais pu rajouter, je m'en bats les couilles, mais bon. On est un podcast, poli, je vais pas dire. Familial. Et sans fleuriture. Voilà, Florent, t'as aimé ce film? Eh ben, je sais pas vraiment quoi en penser parce que j'ai pas passé un mauvais moment. Et alors pour tout vous dire, quand il a été annoncé, j'avais entendu « Ouais, je vais faire un film avec Garcia, Omar Sy, machin », j'étais « Wow, trop bien !» Au final, je suis jamais allé voir au cinéma, hein, parce qu'il faut peut-être pas abuser, je ne dépense pas des thunes là-dedans, pour des films comme ça en tout cas. Et puis, je sais pas. José Garcia, c'est pas du tout Jason Garcia, c'est un mix. Non, José Garcia, moi je le trouve bon, mais derrière, bah les gars, suivez. Enfin, Gad Elmaleh suit un peu, inspire-toi, je ne sais pas. T'es mauvais, gars. Il est blessé à la fin, donc vu qu'on sait qu'il a l'habitude de copier, je crois qu'il a copié un peu son Neymar. Ah ouais, non, mais franchement, surtout pour les jongles. J'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est j'ai pas passé un mauvais moment, mais en même temps, c'était tu pas sais non que plus c'est de la merde. Un bon film. Ouais, je sais donc que c'est de la merde. Mais je m'amuse tu sais quand même. Ouais, c'est ça. C'est clairement c'est, ça. C'est de l'art, hein, quand même. C'est franchement faut le faire. C'est bien. C'est bien de faire des trucs comme ça, de dire « Hey, je vais faire une grosse merde, mais ça va faire peut-être rire des gens, on sait pas. » Bah, ouais. Si c'est pour dire ça, vaut mieux te taire. Hein. D'accord, ok. Okay. Oh, cette attaque frontale. Mais c'est tellement gratuit en plus. Mais... Missile. Oh, ce missile. Vraiment. Ah non, mais ça régale. Le bouton pour accrocher, c'est où c'est... Désagréable, ces personnages. Ah, je le savais en plus en le faisant. Je le savais, putain. Mais non, mais attends, t'as un pro du cinéma en la personne de Jason, et puis t'arrives. Oui, je regarde de la merde, mais j'aime bien. Comment veux-tu que lui, c'est un mec qui a mis un vent à Dubos. Comment veux-tu qu'il accepte ton Excusez-moi. Explication? Il ne peut pas accepter cette explication. Non, mais je sais, mais et pourtant c'est le cas. Voilà. Parle-nous du sketch. Mais... Parle-nous du surnom de Le Pen. Ah là là, si seulement. Non, ça, par contre, non. Ça, je moyen. je sais pas trop. J'ai fait oui. Bon, bah c'est un peu facile, effectivement. Hein. Et puis ouais, non. J'ai une question. On dit Johan Le Penny ou Johan Le Pénis, lui, son prénom, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc après, Le Pen parce que s'appelle Le Pénis. Alors, je te propose de demander à Olivier Dahan parce que moi, je ne sais pas. Voilà. Ah d'accord. Ok, je me souviens plus. Ok. Le S. Dans le film. Mais c'est les scènes de foot sont très très mal filmées. Tu fais un effort, t'as de la Ligue 1 partout sur Canal, machin, tout ça, tu vois comment c'est filmé. Bah, fais la même chose au lieu de filmer ça limite avec un Nokia 3310 en disant ah, ça tremble, on s'en fout quoi. C'est de la merde. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, je suis désolé. Voilà. Un truc qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est la manière dont ils prennent un peu de haut les petits villages de Bretagne. C'est-à-dire, les gens qui habitent là, ils sont tous pas beaux. c'est le cinéma français, hein. Vous êtes des pécores, vous avez les dents sales, vous êtes moche. Ah. Voilà. Okay, on s'attache un peu dans les régions, c'est ça, c'est un peu la caricature, en fait, tous les provinciaux sont des trois petits points. Quand ils font la pièce de théâtre pour Dubosc, que la fille qui est censée c'est une des plus jolies du village, et c'est une moche, quoi, enfin. Ah, exprès, hein. Et même lui, il le dit, mais elle est moche. Et voilà, c'est un truc que je vois souvent dans les films français. Donc moi, j'ai un peu un recul que vous, vous n'avez peut-être pas. Mais dès que ça sort de la haute province, on déglingue un peu les petits gens. Et c'est un peu triste, quoi. Il n'y a que vraiment Gustave Ekerven qui réhabite un petit peu l'univers des petits gens, des provinces ou de ce genre de... avec leurs pattes et leurs folies, hein, parce que... Ouais, bon... mais c'est toujours la même chose. Tu vois, tu prends Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois, c'est... Oui. Quand on les voit au premier abord, bah, ils sont cons et moches, mais en fait, quand tu passes du temps avec eux, hein, bah, ils sont super gentils. Et mais ils sont moches quand même. Mais ils sont moches quand même. Mais je vais rester avec eux parce qu'ils sont, en fait, ils ont un grand cœur. Et franchement, c'est un truc que je supporte pas dans le cinéma. Non, bah, c'est clair, c'est ça. C'est le cinéma français, c'est Paris. C'est, t'as vu, on est bien sapé, on est beau gosse. Et la province, par contre, Et Paris, on fait des films intello chiants. Exactement, oui, c'est ça. Ouais, c'est clair, alors que nous, on a fait Dick Neck. bah oui, hein. Avec un casting très très beau d'ailleurs, hein. Il le relance, hein. Le comédien. C'est ça. C'est un truc que Gad Elmaleh fait beaucoup d'ailleurs. Non, mais Greg, tais-toi parce que j'ai vraiment envie d'avoir la fille de Clégo sur ce film. C'est vraiment un enfoiré. Il est aussi bien là. C'est une impression pour le revoir. Hein. Bien sûr. Je pense que je vais regarder. Ouais, bah vas-y, regarde. Regarde-toi. Franchement, c'est quand même parce que là, on va un peu sur le film et tout, puis c'est vraiment pas un grand film, mais c'est quand même à voir dans la, peut-être pas dans la filmographie de Pont du Bosque, mais ne serait-ce que pour la filmographie de José Garcia, parce que comme il est pas mauvais dans le film, je trouve quand même que on peut pas passer à côté de lui en fait et de son personnage, parce que je trouve quand même qu'il joue assez bien et c'est quand même à voir, ouais. Donc ce serait cool, quand même. Ouais, je pense que je vais regarder. Clairement. Bah écoute, tu regardes, tu fais une petite pastille, tu nous l'envoies et on la diffusera. Parce qu'on veut vraiment ton avis sur celui-là et sur Bienvenue à bord. On va sortir dans 4 ans. Regarde les trucs genre dans 2 ans pour les faire chier. Non mais attends, c'est le mec qui le matin regarde Cinéman et il peut bien regarder Les Seigneurs ce soir. Disco le matin, Cinéman l'après-midi. Ah oui, ouais. Ah, putain, la journée de merde, bravo. Et tu finis sur un plus tonnage à midi. Et psy à 18h. Et ce soir, je suis avec vous. Et peut-être dans la soirée, un petit thème de Patrick Sébastien, pourquoi pas, hein, après tout. Ah oui, bah oui, évidemment. Oh punaise. Et t'as aimé toi, Arthur, ce film? Écoute, mauvaise impression, je le verrai à un moment quand j'aurai envie de le voir, mais il y a José Garcia, donc je pense que il peut tout sauver. Hein, dans et il y a Ramzi qui vomit beaucoup. Ouais. Ça par contre, Ramzi, autant il est excellent dans Snake, autant des fois il est un peu. Elle est géniale, là, tout le monde parle d'As 2. Ouais, le film il est bien quand même, le tout le monde parle d'As 2. Il y a quand même. Ouais, c'est un peu mitigé. Je le garde un peu de côté pour le revoir, pour le rejuger, parce que. Et si vous voulez, j'ai une anecdote sur ce film. Bah voilà. Il a foutu un vent à Franck Dubosc. Si c'est quoi? Garde-la pour qu'on fasse une spéciale. Non, vas-y, une anecdote pour l'avant-première de La Tour Infernale 2. Les mecs se sont pointés avec 45 minutes de retard. Le public attendait. Et il y a toujours un animateur dans la salle. Et le mec, il était paniqué, il savait plus quoi dire à la fin. C'était Dubosc. Et du coup, les mecs sont arrivés avec 45 minutes de retard. Donc il y avait Eric Judor qui dit non, et désolé, on était dans les embouteillages et tout ça. On va rentrer dans la salle. Et là, t'as Ramzi, il fait ah non, mais moi je rentre pas, j'ai faim. Et là, les mecs, ils font, et tout le monde fait non, mais il faut rentrer, vous avez 45 minutes de retard. Et Ramzi fait non, moi je rentre pas, j'ai faim, je vais me chercher un kebab. Et après mon kebab, je rentrerai. D'accord. Et le mec est allé chercher son kebab. Il a mangé son kebab. Et après, ils sont revenus. Et en fait, tu vois très bien que le mec était sous cocaïne. Il a défoncé la salle de cinéma. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a passé une mauvaise ambiance et il était complètement stone. Ouais, non. Et en plus, les gens n'avaient pas encore vu le film. Oui, donc, il avait vu le film. Non, il oui, avait pas envie que les gens le voient. Non, ne voyez pas ce film, c'est une merde. Le bon acteur, José Garcia et Marcy, on mettait les deux ensemble, il arrive à sauver... une salle, une avant-première, quelque chose, quoi. Ouais, genre... ouais, mais là, Ramzi, non, franchement, il y avait des cartons de publicité. Le mec, il les a défoncés. Et il arrêtait pas de rigoler, il tombait par terre, tout ça. Et en fait, Eric Judor était super mal à l'aise, mais super mal à l'aise. Et il disait, oui, alors, j'espère que vous allez aimer la Tour Infernale 2, parce que nous, on s'est éclaté à le faire. Ah non, c'est de la merde. Ouais, non, mais le mec, il s'en foutait complètement. Ah, il fait vomir mon kebab comme dans les seigneurs. Oh putain, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ok, bah super anecdote. Je n'hésite pas à recouper l'émission pour reparler de choses. Deux anecdotes de merde, si tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai bien aimé, c'est le petit blanc quand tu finis. On ne savait plus quoi dire. Ouais, c'est ça. Moralité, inviter José Garcia et Omar Sy. Ah non, ça sera saison 2 seulement. Tu vois, première saison, dont on se fait la main. Donc on a eu des super invités. Et c'était facile. Et c'est saison 2. Mais je le voyais tellement. On aura Chuck Norris, bien sûr. Ouais, première saison, on a pris des seconds rôles, tu vois. Et pas second rôle. Après... On a pris des figurants. Et son chat. aujourd'hui, oui, ouais, aujourd'hui, bah il, tous les seconds rôles, ils regardaient le foot. Et puis, il reste qui? Bah, Kuturims. Oui, parce que au moment où vous écoutez ce podcast, nous, on tourne pendant le lancement de l'Euro. C'est le premier match. C'est Belgique-Turquie. Je crois que depuis qu'on a commencé l'enregistrement, l'Euro est terminé. Et 2-0 pour l'Italie. C'est 2-0 pour l'Italie. Alors 2-0 pour l'Italie, et je pense que il y a les quarts de finale qui se jouent là demain en fait, parce que parce qu'on enregistre depuis 3 semaines vraiment. Par la Finlande. Désolé. Et Jean-Marie Bigard est président. Et Francis Lalanne premier ministre. Et Affine Turner, ministre de la culture. Avec un film qui est sorti au cinéma. Et Ribéry, ministre des sports, chez vous, je le vois bien. C'est Ribéry, quoi ce film parallèle? Je suis chaud. Ben les gars, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur Monsieur Dubosc? Je l'emmerde. c'est tellement gratuit. Jazz est en feu. Hein. Merci, Gus. Mais ça venait voilà. Du cœur, ce film-là. Moi, il y a un film où je l'ai trouvé bien. Ah ben, vas-y, parle-nous du film. C'est Bienvenue à bord. Non. C'est un film qu'on voit pas. Pendant qu'on parlait, c'est le deuxième bon film. Pendant les anecdotes de Jazz, il a regardé le film. C'est un film qu'on voit pas. C'est dans Mon Nom Nemo. Dans quoi? Dans Mon Nom Nemo. Oui. Ah ouais. Ah oui, génial. Il double. Oui, tout à fait. Je m'attendais à un star talent de merde, ouais. Et en fait, il l'assure. Ouais, clairement. Il est tombé en compte juste, en fait. Il y a un autre film de lui où on ne le voit pas, que j'aime bien, c'est Dans la mer. C'est juste parce qu'on ne le voit pas. Bah, c'est sans Franck Dubosc qui est meilleur que le film avec. Ouais, un film sans Franck Dubosc qui est meilleur que le film. Donc, on va parler de tous les films qu'on a aimés où il n'y avait pas Franck Dubosc. Ça va être long. Pas mal. Ça va être long. Moi, j'ai bien aimé Star Wars, le tout premier de 77. Il n'était pas dedans j'ai trouvé ça vraiment cool. Super cool. Et surtout, la scène où il ne joue pas, quoi, tu vois. cette scène-là. Il y a peut-être éventuellement un film qu'on n'a pas cité qui peut être intéressant, c'est le film avec Alexandra Lamy, mais j'ai plus le titre en date. C'est Tout le monde debout. Voilà, c'est ça. Référence à François Feldman. C'est Tout le monde debout, au fond. Ouais. C'est son premier film en tant que réal, d'ailleurs. Ouais. Il joue bien, mais il y avait aussi, je crois, Incognito avec Joaquin... Avec Benabar, surtout. Joaquin Phoenix. Ouais. Non, avec Jocelyn Kivra. C'était avec Jocelyn Kivra. Ouais, c'est ça. Et Incognito, il fait du Dubosc, mais un peu. Il est très très drôle. Il est très très drôle dans Incognito. Il arrive quand même à canaliser le fait de pas faire de la caricature dans Incognito. Je pense que le trio fonctionne bien. Et Benabar est plutôt bon acteur. Il arrive. Il fait pas du Dubosc, on voit son sif, hein. Oui, c'est ça, mais bon, on va dire que il complète, mais je m'attendais à pire venant de lui. Alors, je tiens à remettre les points sur les i. On voit le cul de Franck Dubosc dans Incognito parce qu'il joue au bowling, souvenez-vous, sur la Wii, tout nu dans le salon. Donc, je vous rappelle que si on voit bien le sif de Dubosc. Le Dubosc sif, comment on l'appelle le Dubosc sif univers. Je préfère José Garcia. Et je crois qu'on le voit en calbar aussi dans les seniors, hein, quand il change. il y a toujours un. De toute façon, c'est comme Brad Pitt. Dans chaque film, on le voit manger. Bah, lui, dans chaque film, on voit son slope. Enfin, c'est contractuel. Et c'est toujours des mulbites, quoi. C'est jamais un boxeur. Ah non, c'est sponso. C'est sponso, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Et... Mulbite. Sponsor officiel de Franck Dubosc. Putain, non, ça devrait le faire. Et je veux une pour qu'on lance l'émission, j'ai une photo de vous tous en moulbite que je mettrai sur Twitter. Et ben, donc, c'est chaud. J'ai pas signé pour ça, moi. Mais bon, ok. Clégo, est-ce qu'entre temps t'as vu Les Seigneurs? Non, pas encore. Il a peut-être vu la bande annonce. C'est si long, putain. J'ai vu l'affiche, si tu veux. On a toujours pas ton avis sur Les Seigneurs. Ah non, mais pas ce soir. Il fera un communiqué de presse. Oui. Je me réjouis de la voix. Et là, elle te répond. Si tu m'écris juste ouais, bof. Elle veut pas arrêter avec les arguments et tout. Voilà. Bah, les gars, j'ai passé un bon moment. Bah, nous avec aussi. Je parlais avec d'Arthur et Clégo, hein, je parlais pas de culture. Ah oui, mais nous aussi, on a passé un bon moment avec Arthur et Clégo. Hein, c'est... J'imagine le match retour, hein, avec les balles perdues, avec les moments de raquettes un peu incontrôlés, les crises de nerfs et tout ça. Hein. Le match retour sur Christian Clavier ou un truc comme ça, tu vois. Oh là là là. Tu nous donnes une date et on sera pas là. Voilà. Non, avec un match américain. Joe Star, il y a tant de films. Non, c'est quoi, on fait un Jay Courtney avec eux la prochaine fois. Non. Non. On fait un Jay Courtney avec eux. Non. Non. Ouais, non, Flo a ses limites, hein, je pense qu'il a sa sensibilité propre. Choisi du boss, j'ai choisi Jay Courtney. Donc on va se taper des Terminator Genesis ou des Die Hard 4. Ça sera pour Die Hard 5. Die Hard 5, oui. Non, attends. C'est Die Hard 5, c'est le 5, c'est celui qui n'existe pas. Et on va faire Suicide Squad aussi, voilà, super, merci. Ah, et Suicide Squad, ouais, ok. Super. Il a choisi le bon angle, hein, tu vois, il a eu la bonne intervention au bon moment. Allez, hop, on va choisir un bon match retour. Et tu vois, moi, j'avais pas dit Suicide Squad, c'est toi qui l'as dit. Non, non, ta gueule, Greg, ta gueule. Non. Je les aime pas, ces cons-là. Mais on peut pas aller jusque-là. On va rester quand même. On va rester décent, Greg, s'il te plaît. Ouais, Florence Foresti. Allez, c'est ma dernière proposition. Michel Larocque et Elie Semoun, voilà, on va faire le package. Patrick Timsit. Oh non. Ah, sinon, on peut faire tiens, tu la vois, celle-là? Tu l'as pas volé! Tu l'as pas volé, celle-là, Jazz! Non, je me suis pas. Quoi? Elle fait la gueule, je dois faire une planche à voile, elle fait la gueule! Il est temps peut-être de conclure. Parce que si on laisse Jazz partir sur les Team Sheet, on est parti pour la nuit et Clégo aura le temps de voir les deux films. Qu'est-ce que tu penses de Patrick Team Sheet, Clégo? Pas grand chose. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Patrick Team Sheet dans Bienvenue à bord? Et après, c'est parti en deux boudes. Un agent dans la ville. Eh ben, Culture Imsen, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Bah, chez nous. Ok. C'était l'instant promo. Non, on peut nous retrouver. Le gars, il sait se vendre. Ça, c'est. Non, c'est on peut nous retrouver, bien évidemment. Mais ta gueule, putain. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. On peut écouter tous les épisodes de Culture Ims sur les sites de podcast. Mais est-ce que. Ta gueule. J'ai rien dit. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube même. Et puis, bah, Deezer le. Deezer et demi, pardon. Vas-y, continue. Ça fait trois fois, vraiment. C'est... Ouais, c'est carton jaune, là. Et puis, on peut nous retrouver aussi sur le Cultu Shop où on peut choper des magnifiques casquettes, de magnifiques mugs, des t-shirts, des tapis de souris. Eh oui. Donc, voilà. Trop classe. Et moi, je viens d'acheter pour faire fuir mes souris. Non, il est cool, leur podcast, il est cool. Et nous, ça fait un petit temps qu'on se vanne pour la bonne cause parce qu'on s'entend comme encore bien sur Twitter. Donc, allez écouter Culture X. Vas-y, tu as assidé un peu. Non. Ah, le fumier que tu rimes. Allez, mais là, t'as lâché le truc, non. Moi, je voulais, mettrai, moi, je voulais te défendre de Jazz, putain. Zénance, quoi. Moi, je voulais te défendre de Jazz, bordel. Et non, voilà. Ici, je tenais vraiment à remercier en face à face Arthur et Clégo. Merci, donc les gars. Nous on est arrivé, il y a très peu de temps, donc nous on est arrivé fin décembre début janvier avec Greg, oui. Et votre soutien a fait beaucoup, donc c'est grâce à ça qu'on a désolé là, les gars, mais on a plusieurs centaines d'écoutes par épisode. Tu peux rajouter le mot millier. Merci Profrico, merci Marie Montes et ainsi de suite. Voilà. Non, mais en fait c'est grâce à vous que on a pu entrer en contact aussi avec ces gens-là qui nous ont suivis dès le début quand vous avez dit allez écoutez ces petits gamins là, ils sont cool. Non, franchement. Soutenez-les. Pardon? Soutenez-les, enfin, allez écouter par curiosité. Hein. Je pense que, au bout d'un moment, si on est fan un peu de l'univers d'acteurs, du côté cinéma d'exploitation, de polar, d'action, on va forcément écouter les épisodes. Ben franchement, on a vu à partir du moment où vous nous avez partagé, Clégo lui avait dit que je bossais de nuit et j'avais sur mon fond d'écran directement, j'avais son site internet et je choisissais mes podcasts par rapport à son site et donc quand on s'est retrouvé dessus, c'était une grande fierté. Merci Clégo. Ouais, c'est vraiment top. Un grand merci à toi aussi Arthur pour les retweets et tout. Merci à Culturinx d'être venu ce soir. Ouais, mais je te retourne le compliment. Merci à Qu'est-ce qui devient de nous avoir invités aussi. Et puis oui, bah merci mais tous les jours à Clégo et Arthur pour leur soutien sans faille. Hein, fidèle. Est là. C'est ça, c'est enfin. Bah, il y a deux tiers de vos éditeurs ici, Gauthier. Il manque. C'est ça. Entre temps, mais il arrive. Mais le pire, c'est que même notre équipe nous écoute pas. On s'écoute pas entre nous, tu vois. C'est... Donc Gauthier, si tu nous écoutes, on t'embrasse aussi. Oui, mais continue de nous écouter nous. Voilà. On attendra de bien faire ma Podren dès que l'édition 2022 en physique sera possible. Ouais. Et Greg va même chanter au Podren. Oh putain, oh le teasing, bah je suis inscrit, j'attends ça. Inscrit déjà. Est-ce que tu veux l'inscrire à l'Eurovision comme nous on va inscrire Cédric ou pas? Ah mais tu rigoles. Ah, j'attends le duel. Tu rigoles, mais c'était une possibilité à un moment. C'est vrai? Juste qu'il y a le confinement et la chanson qu'on sort cet été qui est vraiment cool. J'ai eu pour la Belgique. À un moment, il y avait un concours ouvert et j'ai eu envie de l'envoyer et elle aurait pu passer, mais je l'ai gardée. Et voilà, on sort un bon titre cette année avec Greg et je me réjouis de vous faire écouter ça. Ça va être super cool. Pour l'année prochaine, du coup. Non, parce qu'après on va dire qu'il prend de la coke, puis après on va dire qu'il fait du plagiat et tout. Parce qu'il va gagner, mon petit Greg. Et non, j'ai pas envie de ça. Et puis la Belgique a pas envie de gagner. Sur la scène de l'Eurovision avec un t-shirt casquette Culturims, impeccable. Ah oui. Bah oui. Pourquoi la casquette Culturims? Moi, si tu veux. Je vais pas lui mettre la casquette Culturims. Non, mais on va mettre à l'envers. Ah oui, bah, en fait. Si elle est derrière, elle est la mieux placée pour voir ton cul. Non les gars, franchement c'était sympa. Ouais. JT il était cool et tout. On s'est bien vanné pour la bonne cause, c'était pour la bonne humour et c'était super sympa. C'était pour la bonne cause. N'oubliez pas 36-37 pour le Téléthon bien sûr. Envoyez vos dons pour sauver des casquettes. Donc tu nous as parlé de Tout le monde debout, Arthur. Génial. Moi j'ai un tapis de sourire en vrai. qui encore utilise des tapis de souris, s'il vous plaît, les gars? Moi, je veux vraiment savoir. Franchement, ouais, vraiment? C'est trop cool. Tu l'as, du coup, le tapis de souris de Culturims? Non, pas encore. Mais ça va pas tarder. Parce que c'est un peu. Non, il a le tapis de souris Greg. Non. Fais un don de 20€, tu reçois au moins 5 tapis de souris. Non, mais par contre, les parents de Gus ont vraiment le tapis de souris, hein. Ils l'ont commandé. Ah, mais c'est un truc que je kiffe à voir. C'est eux. Ce qui est fort, c'est qu'ils écoutent pas le podcast. Ils en ont rien à foutre. Quand je dis à mon père ce qu'on fait, il dit ça sert à quoi. Mais par contre, je lui dis vas-y, soutiens l'émission, va chercher des trucs dans la boutique. Et en fait, il savait pas où c'était. Du coup, je lui fais avec sa souris et je vois que son tapis de souris, ça marche pas, tu vois. Je fais bah regarde, nous on a un tapis de souris. Tu arnaques tes propres parents, sans déconner. C'est comme ça qu'il a fait. Florent, il a vu son père en plein Paris se promener torse nu, d'être papa, on vend des t-shirts. Et... Exactement. C'est comme ça qu'on fait, hein. C'est exactement et ça. Ouais, j'ai fait une muselière pour Greg, et une muselière, qu'est-ce qu'il devient? Pour éviter. Ah, mais c'est trop cool, hein, c'est trop cool. Et du coup, vous avez pas, genre, l'écharpe et tout, non? Non, pas encore. On est pas loin non plus, sous-boc. Hein. Le moule bide, vous avez pas. Si je veux bien prendre du basque avec ça. Pas encore. Ça ne saurait tarder. Avec le cul sur le gland. Avec le cul devant et la photo du basque derrière. Alors, on attend pas Patrick. On attend pas Matrix. Alors, on attend pas culturisme. Oh là là là là. Sérieux, quoi. Culturisme, est-ce que vous avez encore des épisodes qui vont sortir ces temps-ci? Oui. L'épisode, il sort quand, là, celui-là? Ne répondez pas tous en même temps, les gars. Dimanche, il sort dimanche, ok. Du coup, il nous reste encore deux épisodes avant la fin de la saison. Voilà. Ouais. Je n'en dis pas plus. Vous verrez bien les thématiques, mais je pense qu'on va encore. Ils le savent pas, en fait. Hein. Non, c'est vrai, c'est ça. Non, mais si. Mais et peut-être on va flou un petit module pendant l'été. On va encore bien se marrer. Pendant l'été, on va prendre un peu de vacances là, mais on essaiera d'être quand même un peu là. Mais voilà. D'accord. Pas de problème. Bah, vous savez quoi? On fera l'effort d'écouter. Clégo, fais l'effort d'écouter. Hein. Déjà que tu fais pas l'effort de regarder les films, essaye d'écouter lors du dernier épisode. Moukash, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de qui. Il a quand même fait l'effort d'acheter la casquette, hein. Pardon. Ouais, c'est vrai. On va parler d'un grand réalisateur, Ridley Scott. Scott. Et on va aussi rigoler quand on va parler des derniers films de Ridley Scott. Ah oui, qui sont des pépites. Ah, oui. Alien, Covenant et Prometheus. Oh. Ah oui, là, c'est très dur, hein. Je suis en train de les regarder. J'ai arrêté le film 4 fois déjà, donc, je suis à Exodus. Okay. J'arrive pas à avancer, quoi. Mais je regarde par 20 minutes, quoi. Ouais. C'est long. Au cinéma, c'est insoutenable, hein. J'ai pas tenu. Bah, écoute. Je n'arrive pas. Ouais. Là, l'avantage de la VOD, c'est que tu peux mettre stop. Voilà. Au cinéma, tu fais comme Ramzy, tu casses des trucs et tout quand tu mets stop, mais ici. Tu es dans un état second. Ouais, on a une télécommande. Culturims. On se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux et dans vos prochaines émissions. Et oui, on fait ça. Donc, allez, on fait ça. Arthur Clégo, on se retrouve comme d'hab sur Twitter, on s'amuse bien. Oui. Sans aucun problème, avec grand plaisir. Greg et Jazz, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qui vient ?